France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Georges Gravier, Hedda Gabler de Henrik Ibsen, adaptation française de Gilbert Sigaud. Les interprètes seront Claude Winter, Julie Tessman, Geneviève Casil, Hedda, Simon Haen, Eilert Löfberg, Bérangère Dautin, Berthe, Alain Pralon, le conseiller Braque, Dominique Rosan, Georges Tessman, Dominique Constanza, Madame Elfsted. La villa de Tessman, située dans la partie ouest de la ville. Un grand salon, meublé avec beaucoup de recherche et de goût. Ah non, non, ils ne sont pas encore levés. Mais c'est bien ce que je vous disais, mademoiselle Julie. Le bateau est arrivé à minuit passé. Et vous voyez tout ce que madame m'a fait déballer avant d'aller se coucher. Laissons-les se reposer tant qu'ils en auront besoin. Mais il faut qu'en se réveillant, ils puissent respirer ce bon air frais qui vient du jardin. Il n'y a plus un coin de libre, ma parole. Bon, mais je pose les fleurs là. Alors, ma bonne Berthe, te voilà maintenant chez ta nouvelle maîtresse. Mon vieux cœur a eu beaucoup de peine de ton départ, tu sais. Oh, mademoiselle, moi aussi j'ai souffert. Après toutes ces années passées avec vous et mademoiselle Rina. Allons, Berthe. Nous devons accepter courageusement les changements qu'apporte la vie. Ce qui est arrivé devait arriver. Maintenant, Georges a besoin de toi. Absolument besoin. Tu as veillé sur lui depuis son enfance. Il faut continuer. Oui, mademoiselle. Mais je pense à notre pauvre malade. Elle a besoin qu'on l'aide, elle aussi. Et je suis sûre que cette nouvelle bonne ne saura pas s'y prendre. Ne t'inquiète pas pour Rina, je mettrai la bonne au courant et si je vois que c'est nécessaire, je ferai le travail moi-même. Oui, oui, mademoiselle, mais il y a encore quelque chose. Je me demande si je m'entendrai, si je conviendrai à mademoiselle Hedda, je veux dire à madame Tessman. Mais oui, c'est une grande dame, la fille du général Gabler. Pense à ce qu'elle a connu du vivant de son père. Tu te souviens quand elle se promenait à cheval avec le général ? Une longue robe noire d'Amazone, une plume à son chapeau. Si je m'en souviens de cette plume. Oh, Seigneur. À ce moment-là, jamais je n'aurais cru qu'un jour, mademoiselle Hedda épouserait Georges. Oh, moi non plus, Berthe. Je n'aurais pas cru que Georges... Ah, désormais, il faudra dire docteur Tessman, tu sais, en parlant de lui. Ah oui, mais j'avais oublié. Madame m'a pourtant bien prévenue cette nuit, aussitôt la porte passée, docteur Tessman. C'est donc vrai, cela aussi? Rien n'est plus vrai. Des savants étrangers lui ont donné le titre de docteur pendant qu'il était en voyage avec Hedda. Hier encore, j'ignorais tout, il m'a appris la nouvelle à sa descente du bateau. Encore un changement. Docteur. Jamais je n'aurais pensé que Georges puisse se mettre à soigner des gens. Voyons, Berthe. Il ne soignera pas les gens, il n'est pas médecin. Docteur, c'est un titre, tu comprends? D'ailleurs, il en recevra bientôt un autre, beaucoup plus important. Oh, juste ciel, où allons-nous? Ah, si mon pauvre cher Joachim pouvait sortir du tombeau et voir quel homme est devenu son petit garçon. Tiens, pourquoi as-tu enlevé les housses? C'est madame qui m'a dit de le faire. Elle ne peut pas souffrir que les meubles soient recouverts. Ah, pourtant, elle ne va pas servir du grand salon tous les jours, j'imagine. Mais il paraît que si. Du moins, d'après ce qu'elle m'a dit, le docteur, lui, ne m'a parlé de rien. Oh, bonjour, Georges. Tante Julie, ah, chère tante Julie. Mais tu as fait tout ce chemin de si bonne heure, hein? Oh, c'est naturel, mon petit. Je voulais être sûre que tout était en ordre. Mais tu n'as même pas eu le temps de dormir. Ah, qu'est-ce que ça fait? À mon âge, on ne dort guère. J'espère que cette nuit, tu es rentrée sans difficulté, hein? Oh, oui, oui, le conseiller Braque m'a accompagnée. Ah, tu sais, nous étions confus de ne pas te reconduire nous-mêmes, mais tu as vu, hein? Hedda avait beaucoup de bagages et elle voulait absolument les prendre tous avec elle sans attendre. Je n'ai jamais vu autant de valises et de paquets d'un coup, surtout pour une seule personne. Est-ce que je ne devrais pas frapper chez madame si elle avait besoin de moi? Merci, Berthe. Pas pour le moment, elle te sonnera. Oh, très bien. Oh, attends, tu veux ranger ce sac? Je vais le monter au grenier. Quand on y pense, tante Julie, j'avais rempli ce sac de notes pour mon livre. C'est incroyable ce que j'ai pu trouver dans certaines archives, des documents rarissimes. Et tout le monde les avait négligés, naturellement. Non, je suis sûre que tu n'as pas perdu un seul instant pendant ton voyage de noces. Eh bien, tu vois, je crois que c'est vrai. Mais enlève donc ton chapeau. Laisse-moi t'aider, hein? Ah, mon petit Georges, mon petit. C'est comme si tu vivais encore à la maison avec nous. Et te voilà. Un chapeau neuf, hein? Oh, il est d'une élégance. Tu trouves? Je l'ai acheté un peu pour Edda, tu sais. Tiens, pourquoi? Eh bien, je ne voudrais pas qu'elle ait honte de moi si un jour nous sortons ensemble, toutes les deux. Oh, toi, tu penses vraiment à tout. Allons, assieds-toi près de moi, là. Nous allons bavarder en attendant Edda. Oh, Georges, c'est une telle bénédiction que tu sois revenu. Pour moi aussi, tante Julie, c'est bon de te revoir. Je sais que tu garderas toujours une place dans ton cœur pour Rina et pour moi. Elle ne va pas mieux, notre Rina, hein? Non. Et je crains même que, désormais, il n'y ait pour elle aucune sorte d'espoir. Oh. Elle n'a pas quitté son lit depuis... Tu sais ça aussi bien que moi. Mm-hmm. C'est dur, tu sais. Je prie pour que Dieu me la garde encore. Enfin, encore un peu, tu comprends. Sans elle, qu'est-ce que je ferais de ma pauvre vie maintenant? Puisque je n'ai même plus à m'occuper de toi. Allons, allons, allons. Quand je pense que tu es un homme marié et que tu as conquis Edda Gabler, cette Edda qui était toujours suivie de tant d'admirateurs. Ah, j'ai fait quelques envieux. Hein? Et ce voyage de noces, si long. 5 mois, presque 6. Ouais, tu te doutes bien que j'en ai profité pour travailler. Des masses d'archives à dépouiller tous ces livres, si tu savais. Oui, mon petit, je sais. Mais dis-moi, il n'y a pas une nouvelle à m'annoncer? Une nouvelle? À propos de notre voyage? Oui. Laisse-moi réfléchir. Non, rien d'autre que ce que je t'ai raconté dans mes lettres. Mon titre de docteur, je t'en ai parlé hier, je ne vois vraiment pas. Tu en es sûr? Écoute, enfin, est-ce que tu n'as pas... Est-ce que tu n'espères pas quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais espérer? Enfin, Georges, voyons. Est-ce que je ne suis plus ta vieille tante Juju? Oh, si. Ah, au fait, j'espère bien quelque chose. Ah, tu vois. J'espère que je suis en excellente posture pour être nommée professeur. Ah oui, oui, professeur. Oui. L'affaire est engagée, je pense que la décision ne tardera pas. Mais là non plus, je ne t'apprends rien. Mais non, naturellement, je le savais. Alors, nous parlions de ton voyage de noces. Il a dû te coûter beaucoup d'argent? Oui, pas mal, tu t'en doutes, mais ma bourse de recherche a couvert une partie des frais. Oh, elle n'a sûrement pas suffi pour vous deux. Non, bien sûr, ce n'était pas facile. Hein? Ah, quand on voyage avec une dame... Mon petit doigt me dit que toutes les choses sont beaucoup plus chères. Oui, un peu plus chères. Mais tu sais, tante Julie, pour Edda, il fallait un voyage de noces parfait, absolument parfait. De nos jours, un voyage de noces doit être parfait. Dis-moi, est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil sur ton installation? Oh, mais bien sûr. Je me suis levé avec le soleil. Comment trouves-tu la maison? Un vrai palais. Quel luxe. Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Ce que nous ferons des 2 pièces vides qui se trouvent entre la pièce du fond et notre chambre. Ah, vous trouverez bien les employés, avec le temps. Oui, naturellement, avec le temps, j'aurai de plus en plus de livres. C'est ce que je pensais. C'est surtout pour Edda que je suis heureux d'être installée ici. Un jour, bien avant nos fiançailles, elle m'a dit que jamais elle n'habiterait une autre maison que celle-ci, la résidence de Madame Falk, la femme du Premier ministre. Tu as eu de la chance que la maison soit mise en vente juste avant votre départ. Ah oui. J'avais la chance avec moi, hein? Ben, la chance. Mais, Georges, le prix de tout ça? Ce sera vraiment très cher? Oui, très cher. Combien, à ton avis, approximativement? Oh, écoute, je ne peux pas te donner un chiffre maintenant, il faut que j'aie vu tous les comptes. Bien. Heureusement que le conseiller Braque a conclu l'affaire dans les conditions avantageuses. Il l'a écrit à Edda. Ah, ne t'inquiète pas, surtout pour le règlement des meubles et des tapis, j'ai donné ma caution. Mais comment as-tu fait? Avec quelle garantie? Ben, j'ai engagé mes titres. C'est simple, tu sais. Tu as fait ça? Tes titres? Et ceux de Tantrina aussi? Ben, je crois qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Ces titres représentent tout ce que vous avez pour vivre, toi et Rina. Ben, je t'en prie, Georges, ne prends pas cette affaire au tragique. Il s'agit d'une simple signature, d'une formalité. Le conseiller Braque me l'a dit, il s'est occupé de tout. Ben, je veux bien, mais quand même... De toute façon, tu vas bientôt commencer à toucher ton traitement. Et puis, mon Dieu, même si nous te faisons quelques petites avances, si nous t'aidons un peu au début, tu devines bien que ce sera pour nous une joie, une vraie joie. Tante Julie, tu ne te lasseras donc jamais de te sacrifier pour moi? Le seul bonheur qui me reste est de t'aider. Dans le passé, nous avons eu des heures difficiles. Maintenant, tu touches au but. Alors... Oui, quand on y pense, c'est inespéré, hein? Comme tout s'est arrangé. N'est-ce pas? Et ceux qui voulaient te barrer la route, à terre, abattus. Et le plus dangereux de tous, il est tombé plus bas que les autres. Il avait bien mérité son sort. Ah oui? Tu as eu des nouvelles de Le Borg depuis mon départ? J'ai seulement appris qu'il avait publié un livre. Hilaire Le Borg a publié un livre? Récemment, hein? C'est ce qu'on m'a dit. Ou un bouquin qui ne doit pas valoir grand-chose. Quand le tien paraîtra, ce sera une autre affaire. À propos, quel est ton sujet? Les industries domestiques et la vie économique dans la province du Brabant au Moyen-Âge. Oh, Georges, mais tu sais tout. Remarque, le livre ne paraîtra pas immédiatement. J'ai encore beaucoup de notes à classer, à rédiger, l'index à établir. Ce sera long. Oui, je vois, des notes, un index. Mais je suis sûre que tu réussis merveilleusement ce genre de travail. Sur ce point aussi, tu ressembles à ton père. Et puis maintenant, je vais écrire dans la joie cette belle maison, mon foyer. Mais surtout la femme que ton cœur attendait. Oh, tante Julie, c'est ce qu'il y a de plus miraculeux, de plus beau. C'est elle, mon Eda, si tu savais. Eda, chère Eda, bonjour. Bonjour, chère mademoiselle. Déjà là? Comme c'est aimable d'être venue de si bonne heure. Et la jeune mariée a-t-elle bien dormi dans sa nouvelle demeure? Pas mal, je vous remercie. Oh, tu veux dire très bien. Quand je me suis levée, tu dormais comme une souche. Heureusement, il faut bien s'habituer. N'est-ce pas, mademoiselle Tesman? Le temps arrange bien des choses. Oh, cette bonne qui a la manie d'ouvrir les fenêtres avec ce soleil qui envahit tout. Oh, eh bien, je vais la fermer. Bon, chère Tesman, voulez-vous simplement tirer les rideaux? La lumière sera moins forte. Voilà, voilà. Un peu d'ombre et d'air frais. La pièce en a besoin. Avec toutes ces fleurs. Chère mademoiselle Tesman, vous ne voulez pas vous asseoir? Non, non, vraiment, merci. Je voulais seulement savoir si vous n'aviez besoin de rien. Il faut que je rentre à la maison. Ma pauvre chère sœur m'attend. Embrasse-la bien pour moi, tante Julie. Et dis-lui que j'irai la voir aujourd'hui, un peu plus tard. Entendu, Georges. Oh! J'allais oublier. Non, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est encore, tante Julie, hein? Tiens, ouvre. Mon Dieu, tu les avais gardés. Eda, c'est vraiment touchant, hein? Qu'est-ce que c'est? Mes vieilles pantoufles. Ah oui, je me souviens. Tu m'en as souvent parlé pendant notre voyage. Ah, elles me manquaient beaucoup. Tiens, regarde-les. Merci, je les connais déjà. Tu sais, Eda, c'est tante Rina qui me les a brodées. Et pourtant, elle était déjà malade à cette époque. Ah, si tu savais tous les souvenirs qu'elles me font revivre. Pas pour moi. Voyons, Georges, Georges. Eda a raison. Oui, bien sûr, mais je pensais puisqu'elle est de la famille maintenant. Tesman, nous ne pourrons jamais garder cette bonne. Notre Berthe. Mais pourquoi dis-tu cela, chérie? Mais regarde ce qu'elle laisse traîner. Son vieux chapeau. Oh, Eda. Si quelqu'un était entré et avait vu ça. C'est le chapeau de tante Julie. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Oh, il n'est pas si vieux que ça, chère Eda. Oh, je ne l'ai pas regardé de près, mademoiselle Tesman. C'était la première fois que je le portais. Dieu le sait, lui. Et il est très joli et tout à fait à la mode. Eh bien, tu vois, Georges... Justement, j'ai bien peur qu'il ne soit pas tout à fait à la mode. Mon ombrelle? Ah, la voilà. Elle est à moi, elle aussi. Pas à Berthe. Un chapeau à la dernière mode, une ombrelle neuve. Qu'est-ce que tu dis de ça, Eda? Oui, tout cela est vraiment très charmant. Tante Julie, regarde donc un peu Eda. Est-ce qu'elle n'est pas ravissante? Georges, ce n'est pas une révélation. Eda est une beauté depuis le jour de sa naissance. Oui, naturellement, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'elle a meilleure mine qu'à notre départ et puis elle a engraissé, hein? Oh, je t'en prie, Tesman. Ah oui? Tu ne peux pas te rendre compte, mais moi, j'ai d'excellentes raisons pour le savoir. Mais tu n'as aucune raison et tu ne sais rien. Je crois que c'est l'air de la montagne, l'air du Tyrol. Je suis exactement la même. La même que lorsque je suis partie. Oh, c'est ce que tu dis, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ton avis, tante Julie? Magnifique. Eda est magnifique. Que Dieu vous garde et vous protège, Eda Tesman, pour le bonheur de Georges. Je vous en prie, laissez-moi. Je viendrai vous voir tous les jours. Oui, tante Julie, c'est cela. Hein? Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes? Les feuilles. Seulement les feuilles. Elles sont toutes jaunes. Et fanées. Naturellement, nous sommes en septembre. Oui, nous sommes déjà en septembre. Tante Julie avait l'air bizarre en partant. Tu ne trouves pas? Solennelle, comme quand elle sort de l'église. Je me demande pourquoi. Tu as une idée? Je la connais si peu. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Bon, en tout cas, pas à ce point. Tu crois qu'elle a été peinée? À cause de ce que j'ai dit sur son chapeau? Je ne pense pas. Peut-être sur le moment. Mais aussi, quelle idée de jeter ses affaires n'importe où. C'est une chose qui ne se fait pas. Je suis sûr que cela ne lui arrive pas souvent. Oui, naturellement. J'arrangerai ça avec elle. Oh, Eda, c'est vrai. Tu veux bien? Et quand tu la reverras tout à l'heure, invite-la pour ce soir. Excellente idée. Mais tu sais, elle serait ravie si... Quoi donc? Si tu la tutoyais, pour me faire plaisir, hein? Ah non, non, vraiment, Tessman, ne me demande pas ça. Je veux bien essayer de l'appeler Tante Julie, mais c'est tout. Bon, bon, bon. Je pensais... Puisque maintenant, tu es de la famille. Oh, la famille. Eda, il y a quelque chose qui te déplaît? Mon vieux piano ne va pas du tout avec tout le reste. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Eh bien, nous l'échangerons contre un autre. Dès que j'aurai touché mon traitement. Tiens. Ces fleurs n'étaient pas là quand nous sommes arrivés cette nuit. Oh, c'est probablement Tante Julie qui les a apportées. Il y a une carte. Ah. Je reviendrai aujourd'hui dans la matinée. Devine le nom. Comment veux-tu? Qui est-ce, hein? Madame Elfsted. Madame Elfsted? Oh, attends. Est-ce que ce n'est pas l'ex-mademoiselle Rising? Cette femme avec une chevelure extraordinaire. Elle faisait un tel effet. Est-ce que tu n'étais pas un peu amoureux d'elle? Ouf. On me l'a dit. Ça n'a pas duré longtemps, Eda. Et c'était avant notre rencontre, je ne te connaissais pas. Tout de même, quelle drôle de chose. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire à Christiania, hein? Il est surtout curieux qu'elle vienne nous voir. Nous étions au lycée ensemble, elle et moi, mais depuis... Quant à moi, il y a des éternités que je ne l'ai vue. Je suppose qu'elle habite toujours quelque part dans le Nord. Je me demande comment elle peut vivre ainsi, loin de tout, hein? Madame, c'est cette dame qui est venue de bonne heure et qui a laissé ses fleurs. Eh bien, la voilà, hein? Faites-la entrer. Chère Madame Elfsted, soyez la bienvenue, comme je suis heureuse de vous revoir après tant d'années. Oui, c'est vrai. Il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus. Vous venez d'arriver à Christiania, hein? Hier après-midi. J'ai tout de suite sonné chez vous et j'ai appris que vous étiez absent. Oh, j'étais désespérée. Désespérée? Pourquoi? Chère Madame Rising, chère Madame Elfsted... Il ne vous est rien arrivé d'ennuyeux? Si, justement. Et je ne sais pas à qui m'adresser. Venez vous asseoir. Je me sens tellement nerveuse. Je vous en prie. Voyons, madame, de quoi s'agit-il? C'est pas grave. Si. Enfin, oui et non. Je crains que vous ne me compreniez pas. Il faut d'abord que vous parliez franchement. Puisque c'est pour ça que vous êtes venue, hein? Oui, c'est pour ça. D'abord, je dois vous dire, mais vous le savez peut-être déjà, qu'Eilert Löfborg est à Christiana. Löfborg est ici? Il est revenu. Eda, tu as entendu? Mais, oui, j'ai entendu. Il est ici depuis une semaine entière, dans cette ville dangereuse. Tout seul, Dieu sait quelle compagnie il a pu fréquenter. Mais, chère Madame Elfsted, est-ce que sa conduite vous regarde? Il a été le répétiteur des enfants. De vos enfants? Non, je n'en ai pas. Des enfants de mon mari. Ah, très bien, les enfants de votre mari. Oui. Mais est-ce que Löfborg s'était enfin, je ne sais pas comment dire, suffisamment rangé? Est-ce qu'il était devenu raisonnable au point qu'on ait pu lui confier des enfants? Hein? Depuis 3 ans, on ne peut rien lui reprocher. Incroyable! Eda, tu as entendu? Mais oui, je vous assure. Une vie parfaite, toute droite, pas un mot à dire. Mais maintenant que je le sais ici, dans cette ville, avec de l'argent, j'ai peur. J'ai peur pour lui. Mais voyons, je ne comprends pas. Pourquoi n'est-il pas resté chez vous? Chez votre mari et chez vous? À cause du livre qu'il vient de publier. Alors naturellement, il ne tenait plus en place, il voulait être là. Oui, je sais, Tante Julie m'a dit qu'il avait écrit quelque chose. Mais c'est un grand livre, Monsieur Tesman, un essai sur toute l'histoire de la civilisation. Il y a seulement 15 jours qu'il a paru, on en a déjà beaucoup parlé. Il s'est très bien vendu, c'est un événement. Ah, vraiment? Je pense qu'il s'agit d'un de ces essais que Löfborg a écrit jadis, quand il était en pleine forme, hein? Jadis? Oui, enfin, il y a des années. Mais non! Il a tout composé là-haut. Depuis qu'il est venu vivre chez nous. Eh bien alors, c'est parfait. Si seulement tout avait pu continuer comme ça. Vous l'avez vu depuis votre arrivée? Non, pas encore. J'ai eu du mal à connaître son adresse. Heureusement, ce matin, j'ai fini par tomber sur la bonne piste. Je dois dire que... je trouve étonnant que votre mari... Mon mari, que voulez-vous dire? Il est assez étonnant que votre mari vous envoie ici... pour rechercher son ami Löfborg. Ah, il aurait pu venir lui-même, après tout. Impossible, il n'a pas le temps. Et puis, j'avais des achats à faire. Ah bon, je vois. C'est différent. Monsieur Tesman, je vous en prie. Si Eilert Löfborg vous rend visite, recevez-le avec amitié. Je suis sûre qu'il viendra. Jadis, vous étiez bons amis. Et vous avez travaillé sur les mêmes sujets? Oui, sur les mêmes sujets, dans le temps. Alors je vous le demande, veillez sur lui. Vous voulez bien? Je vous en prie, promettez-moi. Mais bien volontiers, Madame Rissing. Elfstead. Je ferai tout ce que je pourrai pour Eilert, je vous le promets. Oh, merci, vous êtes bon. Merci. C'est que mon mari l'aime tant, vous comprenez? Tu sais ce que tu devrais faire, Tesman? Lui envoyer un mot. Sans cela, il risque de ne pas venir. Ah, tu as raison, c'est une bonne idée. Hein? Alors tu lui écris tout de suite? Oui, je vous en prie, faites-le tout de suite. Bon, à l'instant. Seulement, il faut me donner son adresse, Madame Elfstedt. Hôtel de la Couronne. C'est parfait, je vais m'en occuper. Ah, mes pantoufles. Oh, écris-lui avec amitié. Une bonne lettre, une longue lettre. Entendu. Mais surtout, ne lui dites pas que vous m'avez vue. Non, soyez tranquille. Eh bien, vous voyez, nous avons réussi. Pourquoi? Vous avez bien compris que je voulais le faire partir. Pour qu'il écrive la lettre? Et aussi pour pouvoir causer tranquillement. Sur le même sujet? Oui. Écoutez, Madame Tesman, je n'ai rien d'autre à dire. Vraiment rien. Mais si. Je suis sûre, au contraire, que vous avez beaucoup de choses à me raconter. Asseyez-vous et parlons franchement. Chère Madame Tesman, je vous en prie. Je crois que je devrais m'en aller. Non, voyons, vous n'êtes pas si pressée. Racontez-moi un peu. Vous êtes habituée à cette vie de famille, si loin de la ville? J'aimerais mieux ne pas revenir là-dessus. Oh, vous pouvez bien me parler à moi, entre amis d'enfance. On peut tout se dire. Peut-être. Mais tout de même, en ce temps-là, vous étiez dans une autre classe, au-dessus de moi, et j'avais tellement peur de vous. Comment vous aviez peur de moi? Oui, affreusement peur. Vous ne vous souvenez pas, quand nous étions dans l'escalier, vous me tiriez toujours les cheveux? C'est vrai, je vous tirais les cheveux? Je vous assure, et même un jour, vous m'avez dit que vous vouliez les brûler. Je disais ça pour vous taquiner. Peut-être. Mais vous savez, à ce moment-là, j'étais tellement sotte. Et depuis, nous avons vécu dans des mondes différents. Naturellement. Mais raison de plus pour refaire connaissance. Écoutez, quand nous étions au lycée, nous nous appelions par nos prénoms. Et nous nous disions tu. Oh non, ça je ne crois pas. Mais si, je m'en souviens très bien. Alors il faut que nous redevions intimes, comme dans le bon temps. Voilà. Maintenant, tu vas m'appeler Eda et me tutoyer. Oh, comme vous êtes gentille. Si vous saviez, je n'ai pas l'habitude. Et moi, je vais te tutoyer et t'appeler Thora, ma chère Thora. Mon prénom est Théa. Ah oui, naturellement, Théa. C'est ce que je voulais dire. Alors, tu n'as pas l'habitude qu'on soit gentil? Même chez toi? Si seulement j'avais un chez moi. Je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Je pensais que c'était ça. Oui. Je me souviens peut-être pas exactement, tu sais, mais est-ce que ce n'est pas comme gouvernante que tu es entrée chez Elfstead? Non, au début, j'étais l'institutrice des enfants. Mais sa femme, sa première femme, était déjà malade et presque toujours couchée, alors j'ai dû m'occuper de toute la maison. Oui, et finalement, la maison est devenue ta maison. C'est ça. Ma maison. Et depuis combien de temps? Tu veux dire depuis mon mariage? Oui. 5 ans. C'est bien ça. 5 ans. Oh, c'est 5 années. Surtout les 2 ou 3 dernières. Si vous saviez, Madame Tesman. Madame Tesman, Théa. Ah oui, je tâcherai de m'habituer. Oui, si tu savais, Eda. Si tu pouvais comprendre. Eilert Lovborg a passé ses 3 dernières années là-haut, n'est-ce pas? Oui, il était là. Tu le connaissais avant? Quand tu habitais encore ici? À peine, je le connaissais de nom. Et là-haut, il venait souvent vous voir? Tous les jours, puisqu'il donnait des leçons aux enfants. C'était devenu nécessaire. Je ne pouvais pas m'occuper de tout. Non, bien sûr. Et ton mari, j'imagine que ses fonctions l'obligent à voyager beaucoup. Oui, il s'occupe de tout le district. Ma pauvre petite Théa. Écoute, il faut tout me raconter. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ton mari, il est gentil avec toi? Il croit que tout ce qu'il fait est bien. J'ai l'impression qu'il est trop âgé pour toi. Il y a au moins 20 ans de différence entre vous. Oui. Rien ne nous rapproche. Rien, dans aucun domaine. Mais il t'aime. À sa façon. Je ne sais pas. Il a besoin de moi, c'est sûr. Et je ne lui coûte pas cher. Oh, voyons, ne sois pas stupide. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, il n'aime que lui et un peu ses enfants. Et Eilert Lovborg, il l'aime aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est évident, puisqu'il t'envoie jusqu'ici à sa recherche. C'est du moins ce que tu as dit à Tesman tout à l'heure. Mais dis ça, moi? Oui. Oui. C'est vrai, je l'ai dit. Bien, autant reconnaître la vérité tout de suite. Mon mari ne sait pas que je suis ici. Qu'est-ce que tu dis? Ton mari ne sait pas? Non. Du reste, il n'est pas à la maison. Il préside un jury, je ne sais où. Oh, Eda, je t'assure, je n'aurais pas pu y tenir. C'était impossible. Supporter de nouveau cette solitude. Et alors? J'ai rempli une valise et je suis partie. Sans prévenir personne? Non, je suis montée dans le train et voilà, je suis ici. Tu as osé faire ça? Et que pouvais-je faire d'autre? Je ne sais pas, mais quand tu rentreras, que dira ton mari? Rentrer? Chez lui? Oui. Jamais. Tu es sûre d'avoir quitté ta maison définitivement? Oui, je te le répète, je ne vois pas ce que j'avais d'autre à faire. Et tu es partie comme ça, sans essayer de te cacher? Oh, tu sais, on ne peut pas cacher longtemps ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Ce qu'on voudra, cela m'est égal, tout m'est égal. J'ai fait ce que je devais faire. Et quels sont tes projets maintenant? Aucun. Tout ce que je sais, c'est que je dois vivre là où vit Eilert Lovborg. Si je veux continuer à vivre... Dis-moi, Théa, comment est née cette amitié entre toi et Eilert Lovborg? Peu à peu, c'était comme si j'exerçais sur lui une sorte... Oui, une sorte de pouvoir. Un pouvoir? Oui. Il a renoncé à ses folies, à ses excès... Ou pas parce que je lui demandais, non, je n'aurais jamais osé, tu penses bien. Mais je crois qu'il a remarqué que cela me faisait de la peine, simplement. Et il a changé, voilà. Voilà. Et tu en as fait un homme nouveau, toi, petite Théa. C'est ce qu'il dit. Mais lui aussi m'a changé, tu sais, je ne suis plus la même. Il m'a enrichie. Il a fait de moi une femme libre. Il m'a appris à réfléchir et à comprendre la vraie vie. Il t'a donné des leçons à toi aussi? Non, voyons. Mais il me parlait longuement des livres et des gens. Puis j'ai commencé à travailler avec lui, pour lui. Et alors c'est devenu merveilleux. J'étais si heureuse de pouvoir l'aider. Il t'a demandé de l'aider? Vraiment? Mais oui, bien sûr. Quand il avait terminé un chapitre, il me le dictait. Je vois... Vous étiez 2 bons camarades. Oui, et d'à 2 camarades, ce sont ses propres mots. Je devais être heureuse et c'est impossible. Je me dis que cela ne peut pas durer. Tu n'es donc pas sûre de lui? Il y a une ombre entre nous. L'ombre d'une autre femme. Une femme? Tu la connais? Non. Je me dis que c'est une femme qu'il a rencontrée jadis. Il t'en a parlé? Une seule fois en passant. Que disait-il? Que lorsqu'ils avaient rompu, elle avait failli tirer sur lui un coup de pistolet. Quelle bêtise! Ces choses-là ne se font pas chez nous. Non, non, bien sûr, je sais. C'est pourquoi je me suis dit qu'il s'agissait de quelqu'un d'un autre milieu. Peut-être de cette chanteuse rousse avec laquelle il a vécu. Mais c'est vrai, c'est sûrement elle. Je me suis souvenue de ce qu'on racontait. Elle emportait toujours un pistolet chargé. Alors, tu vois bien, c'est elle. Oui. C'est terrible, vois-tu, parce que j'ai appris qu'elle était revenue ici. Je suis persuadée... Que tout ça reste entre nous. Quelle question. Tiens, voilà la lettre. Ah, très bien, je vais m'en occuper. Mais Madame Elstedt nous quitte, je l'accompagne jusqu'à la porte. Ah. Le conseiller Braque demande s'il peut voir Madame et le docteur. Qu'il entre, faites porter cette lettre. Bien, Madame. Je me présente peut-être un peu tôt. Mais non, pas du tout. Vous êtes le bienvenu à n'importe quelle heure, mon cher. Le conseiller Braque, Madame Rising. Ah, ravi. C'est amusant, mon cher conseiller, de vous voir à la lumière du jour. Une révélation, n'est-ce pas? Hier soir, au débarcadère, vous ne m'avez pas bien vu. Mais vous paraissez un peu plus jeune. Voilà qui est agréable à entendre. Que pensez-vous de Hedda? Hein? Ne la trouvez-vous pas florissante? Oh, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Vous devriez plutôt remercier le conseiller Braque de toute la peine qu'il s'est donnée. Mais voyons, pas du tout. J'étais heureux de vous être agréable. Je sais que vous êtes un cœur fidèle. Mais mon ami doit s'en aller, excusez-moi un instant. Alors, mon cher, votre femme est-elle satisfaite des arrangements que j'ai pris? Elle est enchantée. Et moi, je suis ébloui. Oh. Ah, nous ne vous remercierons jamais assez. Je crois qu'elle veut changer un ou deux détails et acheter quelques petites choses. Ah bon? Oh, il ne faut surtout pas que cela vous tracasse. Hedda s'occupera elle-même de trouver ce qui manque. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci, je ne resterai qu'un instant. Il y a du reste quelque chose dont je voulais vous parler, mon cher Tessman. Ah oui, naturellement. Après la fête, il faut régler la note. Hein? Non, ça ne presse pas. Toutefois, il me semble que nous aurions dû faire les choses un peu moins somptueusement. Ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'aurait pensé Hedda? Vous la connaissez. Vous me voyez lui offrir de vivre dans un petit intérieur bourgeois? Non, bien sûr. Pour elle, c'était impossible et c'est là le problème, évidemment. De toute façon, ma nomination ne tardera guère et alors je serai en mesure. Attention, il arrive que ces affaires-là demandent un certain temps. Vous avez entendu dire quelque chose? Il y a du nouveau, hein? Non, rien de précis. Mais au fait, j'ai tout de même une nouvelle à vous apprendre. Ah oui? Votre vieil ami, Eilert Löfberg, est revenu. Oui, je sais. Tiens, et qui vous l'a dit? Cette jeune femme qui vient de sortir avec Hedda. Comment l'appelez-vous déjà? Madame Elfstedt. Ah oui, c'est la femme d'un petit juge de paix. Löfberg a vécu auprès d'eux pendant assez longtemps, il y a fait une cure. Oui, j'étais enchanté d'apprendre qu'il était redevenu un homme respectable. C'est ce qu'on dit. Et il vient aussi de publier un nouveau livre, hein? Oui, en effet. Et un livre qui a fait beaucoup de bruit, je crois. Eh oui, un bruit considérable. Eh bien, voilà une bonne nouvelle, hein? J'avais tellement peur qu'il ne finisse par gâcher définitivement ses dons. Tout le monde était persuadé qu'il était coulé. Je me demande de quoi il va pouvoir vivre maintenant, hein? Mon cher conseiller, Tessman est toujours en train de se demander de quoi les gens peuvent vivre. Et nous parlions de ce pauvre Eilert Löfberg. Ah oui, il a des difficultés. Ma foi... Tu sais, il y a longtemps qu'il a mangé son patrimoine et il ne peut tout de même pas écrire un nouveau livre chaque année. Hein? C'est justement pourquoi je me demande ce qu'il va devenir. Je peux sans doute vous renseigner. Ah bon? Mais oui. Souvenez-vous qu'il a des parents qui ont gardé une grande partie de leur influence. Des parents? J'ai bien peur que tous les siens ne l'aient lâché. On le considérait comme l'espoir de la famille. Dans le temps. Mais depuis qu'il a tout fichu par terre. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je crois que les Elfstedt en ont fait un homme nouveau. Et puis, il y a son livre. Remarquez, je ne souhaite qu'une chose, qu'on l'aide d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, je viens de lui écrire à ce propos. Hedda, je lui ai demandé de venir nous voir ce soir. Mais mon cher ami, vous n'y pensez pas. Vous venez chez moi ce soir, notre souper de garçon, souvenez-vous. Ah. Vous me l'avez promis sur le pont du bateau, dès votre arrivée. Tu avais oublié ta promesse. Mais mon Dieu, oui, complètement. De toute façon, Vous pouvez être sûr que Lovborg ne viendra pas chez vous. Pourquoi pensez-vous ça, hein? Mon cher Tesman, et vous aussi, chère madame, il y a quelque chose que je ne peux vraiment pas vous laisser ignorer. À propos d'Eilert? Oui, et de vous aussi. Eh bien, parlez, mon cher. Voilà. Il faut vous attendre à ce que votre nomination n'intervienne pas aussi aisément et rapidement que vous l'espériez. Quoi? Il y a un obstacle, hein? Non, mais il est possible que le poste soit attribué seulement après concours. Un concours? Eda, tu vois ça? Oui, c'est intéressant. Mais qui d'autre que moi pourrait... Voyons, vous n'allez pas me dire qu'il s'agit... Si, justement, il s'agit d'Eilert Lovborg. L'enfant prodigue est de retour. Mais enfin, mais c'est inconcevable! C'est absolument impossible, hein? Et pourtant, vous connaissez le proverbe, mon cher. Toujours, l'inattendu arrive. Non, mais... Écoutez-moi, mon cher conseiller, on me ferait un tort considérable. Je suis un homme marié, maintenant, vous comprenez? Nous comptions absolument là-dessus, Eda et moi. Et j'ai obtenu qu'elle m'épouse. Nous avons fait des dettes, j'ai emprunté de l'argent à ma tante Julie, parce que je considérais qu'on m'avait pratiquement promis ce poste, hein? Allons, allons, allons. Je suis sûr que vous finirez par être nommé, seulement il faudra en passer par le concours. Mais pensez, Tesman, comme c'est amusant, c'est une sorte de duel. Un duel, un duel. Mais comment peux-tu parler aussi légèrement? Légèrement, pas du tout. J'attends de voir qui sera le vainqueur. En tout cas, Madame Tesman, il était nécessaire que vous connaissiez la situation. Avant d'acheter toutes les petites choses que je n'ai pu vous trouver. Pour moi, cela ne fait aucune différence. Vraiment? Cela vous regarde. Tesman, je viendrai vous chercher en revenant de promenade. Excusez-moi, je suis encore tout bouleversé. Mon cher conseiller, vous serez toujours le bienvenu. Merci. Au revoir. Au revoir, mon cher. Et excusez-moi, n'est-ce pas? On ne devrait jamais se lancer dans l'aventure. Et tu crois que c'est ton cas? Oui, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. C'était une assez grande aventure que de nous embarquer dans le mariage et de bâtir notre foyer sur de simples espérances. Tu as raison. Enfin, nous avons au moins la maison que nous rêvions d'avoir et nos cœurs sont unis, hein? Vous étiez d'accord pour mener une vie mondaine. Nous devions recevoir, c'était une chose entendue. Mais oui, Eda, je me faisais une joie de te voir dans ton rôle de maîtresse de maison, hein? Eh bien, que veux-tu? Pendant un certain temps, nous devrons nous contenter l'un de l'autre. Peut-être aurons-nous tant Julie, de temps en temps. Ah, ma chérie, j'aurais tant voulu te donner tout ce que tu attendais. Pour commencer, je n'aurais pas de maître d'hôtel. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas engager un maître d'hôtel. Et ce pur sang que tu m'avais promis? Un pur sang? Je n'ose même plus y penser. Mon Dieu, non. N'y pense pas, ça vaudra mieux. Enfin... Il me restera toujours quelque chose pour m'amuser. Ah, ah, parfait. Qu'est-ce que c'est, Eda, hein? Les pistolets, Georges. Des pistolets? Les pistolets du général Gabler. Non, pour l'amour du ciel. Eda! Eda, ma chérie, non, ne les touche pas, écoute. Ce sont des objets dangereux. Eda, je t'en prie pour me faire plaisir. Même lieu, toutefois le piano a été remplacé par un élégant petit secrétaire et une étagère à livres. Bonjour, monsieur le conseiller. Madame Tesman, je vous salue. Mon cher, je vais vous tirer dessus. Ah non. Non, voyons, laissez cette arme. Vous allez voir ce qui arrive à ceux qui entrent par la petite porte. Ma parole, vous êtes complètement folle! Est-ce que je vous aurais touché par hasard? Arrêtez cette plaisanterie! C'est vraiment stupide! Entrez! Je vous en prie, entrez! Oh, quand cesserez-vous de jouer avec ces sacrés pistolets? Sur quoi tirez-vous? Sur rien! Je tire en l'air. Avec votre permission, madame. Ah, mais je le reconnais, c'est un vieil ami. Où est l'étui? Ouais. Assez de ce petit jeu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse maintenant? Vous vous ennuyez déjà? Pas de visite? Pas une. Tous les intimes sont encore à la campagne. Je dois me contenter de leurs fleurs et de leurs cartes de visite. Merci. Votre mari est déjà sorti? Aussitôt après le déjeuner, il a couru chez ses tantes. Il ne vous attendait pas de si bonne heure. Ah, je n'ai pas pensé à ça, je suis stupide. Pourquoi? Parce que je serais venu un peu plus tôt. Vous n'auriez trouvé personne pour vous recevoir. Après le déjeuner, j'étais dans ma chambre, en train de changer de toilette. J'aurais peut-être pu parlementer. Il doit bien y avoir un défaut dans la porte, une fissure. Non. En vous occupant de l'installation, vous avez oublié ce détail. Second exemple de ma stupidité. Asseyons-nous en attendant, voulez-vous? Tessman ne rentrera pas avant un bon moment, je le crains. Désolant, mais je tâcherai de supporter courageusement cette épreuve. Eh bien? Eh bien? C'est moi qui ai questionné la première. Parfait, parfait, parfait. Alors, bavardons gentiment. Eda. Il y a longtemps que nous n'avons pas causé ensemble. Vous voulez dire en tête à tête? Oui. À peu près. J'attendais votre retour avec une impatience. Et moi, chaque jour, je souhaitais la fin de ce voyage. Vraiment? Je croyais que vous aviez été parfaitement heureuse. Vous avez cru ça? Votre mari criait sa joie dans chaque lettre. Oui, bien sûr. Son plus grand plaisir est de fouiller dans les bibliothèques et de copier de vieux manuscrits. Que voulez-vous? C'est sa vie. Ou du moins, une partie de sa vie. Je sais. Mais je comprends très bien. Il était ravi. Mais moi, je m'ennuyais mortellement. À ce point? Pensez, mon cher. Pendant 6 mois, pas une rencontre agréable, personne à qui parler. Je n'aurais jamais pu supporter ça. Et ce n'était pas le pire. Non. Ce qui est terrible, c'est de se retrouver toujours avec la même personne, à chaque minute. Je comprends. Le matin, le soir, le jour et la nuit. C'est ce que je viens de dire, à chaque minute. Et pour toute la vie. Le cher Tessman est un compagnon intelligent. Il me semble qu'avec lui, on doit pouvoir... Il ne pense qu'à son travail, c'est un érudit, un spécialiste. C'est vrai. Et un spécialiste n'est pas un compagnon divertissant. En tout cas, pas très longtemps. Mais si ce spécialiste est l'homme qu'on aime... N'employez pas ce mot. Il est écœurant. Et bête. Eda. Mettez-vous à ma place. Entendre parler de l'histoire de la civilisation toute la journée et toute... Toute la vie. C'est ça. Et des industries domestiques du Brabant au Moyen-Âge. Ah non. Vraiment, c'est trop. Puisque vous êtes dans cet état d'esprit, je ne comprends pas pourquoi, diable... J'ai épousé Tessman. Oui. Vous trouvez la situation extraordinaire? J'en avais assez des fêtes, des balles, des retours de balles. Cette danse toujours solitaire. J'ai senti que mon temps était passé. Non, faut pas que je dise ça. Ni même que je le pense. En effet, vous n'avez aucune raison de le penser. Aucune raison, ça. Après tout, Georges Tessman est un homme très bien, rangé. Et solide, comme un roc. Personne ne prétend le contraire. On ne peut pas dire qu'il soit ridicule, n'est-ce pas? Non. Quelle idée. Je ne dirais jamais ça. C'est un homme intelligent, très érudit. Il réussira sans doute, avec le temps. Je pensais que vous en étiez sûr, comme tous ceux qui le connaissent. On s'accorde à lui prédire un bel avenir. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Puis, il était à mes pieds, il me parlait de son amour, il voulait s'occuper de moi. Pourquoi l'aurais-je repoussé? Évidemment, si vous voyez les choses ainsi. Mon cher, il m'apportait ce qu'aucun de mes autres admirateurs ne songeait à m'offrir. Je ne peux pas parler au nom des autres. En ce qui me concerne, vous savez très bien que j'ai toujours eu pour le mariage, en tant qu'institution, le plus grand, le plus total respect. Je dis bien en tant qu'institution. Je sais. Je n'attendais rien de vous. Mais tout ce que je demande, c'est de vivre dans un cercle d'intimes auquel je peux rester fidèle. Je les aide à ma façon. Je vais d'une maison à l'autre comme un ami à qui on fait confiance. Un ami du mari? Pour être franc, surtout de la femme. Mais du mari aussi, naturellement. Cette sorte de figure, ce triangle, c'est un arrangement très agréable pour tout le monde. Certainement. Pendant notre voyage, j'ai souvent regretté qu'il n'y ait pas une troisième personne. Oh, c'est tête à tête. Mais votre voyage est fini. J'ai encore un long trajet à faire. Je viens seulement d'atteindre la première station. Et pourquoi ne pas sauter sur le quai pour prendre un peu de mouvement? Je ne suis pas de celles qui sautent, mon cher. Vous en êtes sûr? Il y a toujours quelqu'un sur le quai pour... pour regarder vos jambes. C'est ça. Ce n'est pas bien grave. Je n'aime pas ça. Je préfère rester comme je suis, assise dans le compartiment, en tête à tête. Et si une troisième personne venait s'installer dans le compartiment? Alors, ce serait peut-être différent. Un ami sûr, raisonnable, qui comprenne la vie. Et... pas spécialiste du tout. Plein d'entrain. Spirituel. Quel soulagement. Le triangle est fermé. Le train repart. Ouf! Il fait trop chaud pour transporter tout ça. Je suis en nage, Edda. Bonjour, Braque. Vous êtes déjà là? Encore des livres. Et quelques publications récentes qui touchent à ma spécialité. Ah, ta spécialité. Sa spécialité, Madame Tesman. Il t'en faudra encore beaucoup? Ah, bien sûr. Je dois me tenir au courant de ce que les autres écrivent. Naturellement. Ah, j'ai trouvé un exemplaire du nouveau livre de Loveborg. Tu veux y jeter un coup d'œil, hein? Plus tard. Je l'ai feuilleté chez le libraire. Ah, et quelle est votre opinion en tant que spécialiste? Je suis frappé par la solidité du plan, c'est du bon travail. Eh bien, je vais commencer par emporter tout ça. Ah, je suis impatient de couper les pages. Oh, il faut que je me change. Nous ne partons pas tout de suite, hein? Non. Nous avons largement le temps. Parfait, alors, pas besoin de me presser. Oh, à propos, Edda, tante Julie ne viendra pas te voir aujourd'hui. Ah, à cause du chapeau? Edda, comment peux-tu penser une chose pareille? Non, tante Rina est très souffrante. Elle est en pleine crise, tante Julie ne peut pas la quitter. Dommage, je tâcherai de me faire une raison. Tu ne peux pas savoir à quel point tante Juju est heureuse malgré ses inquiétudes. Elle a été tellement frappée par ta bonne mine. Oh, cette tante Juju. Hein? Rien. Ah, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chapeau? Mademoiselle Tesman avait posé son chapeau là, ce matin. J'ai fait semblant de croire que c'était celui de la bonne. Oh, Edda. Comment avez-vous pu faire une chose pareille à cette pauvre vieille demoiselle? Ah, je ne sais pas, une envie, quand ça me prend. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Vous n'êtes pas vraiment heureuse, c'est la seule explication. Pourquoi serais-je heureuse? Vous pouvez me donner une raison? Certainement, vous avez la maison que vous désiriez depuis longtemps. Vous croyez à cette histoire? N'allez pas me dire que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. En partie. Comment en partie? Vous voulez toute la vérité. L'été dernier, je me suis servie de Tesman. Il me reconduisit chez moi après une soirée ou un bal. Dommage que j'habite de l'autre côté de la ville. Oui. Et en ce temps-là, d'ailleurs, vous suiviez une autre route. Oh, vous êtes méchante, Edda. Un soir, nous passions devant cette maison et le pauvre Tesman, toujours timide, embarrassé, ne savait plus quoi dire. J'ai eu pitié de ce grand savant. Vraiment? Vous avez eu pitié, vous? Oui, vraiment. Et pour l'aider, pour meubler la conversation, il m'est arrivé de dire étourdiment que je serais heureuse de vivre dans cette maison. Et c'est tout ce que vous avez dit ? Le premier soir, oui. Mais plus tard ? Cette petite étourderie a eu des suites, mon cher. Ah, les petites étourderies. Elles ont trop souvent des suites, malheureusement. Ainsi, c'est notre admiration pour la villa d'un ministre qui a entraîné les fiançailles, le mariage, le voyage de noces et tout le reste. Ah, mon cher, j'allais vous dire comment fait son lit. C'est inouï. Et au fond, vous ne vous intéressiez pas vraiment à cette maison. Non. Même maintenant. Elle ne vous paraît pas agréable et pleine de charme? Toutes les pièces sentent la lavande et les roses séchées. Le parfum de Tante Julie. Non. Celui de la femme du ministre, qu'elle repose en paix. C'est une odeur de mort. Elle me fait penser à ces fleurs qu'on a portées au bal le lendemain matin. Vous ne pouvez pas savoir quel ennui terrible m'écrase. Ne croyez-vous pas que, si vous trouviez une occupation, un but, comme votre mari? Quelque chose qui me passionne? Oui. Quoi, mon Dieu? Je pense parfois... Non, c'est impossible, bien entendu. Dites. Si je pouvais le convaincre de se lancer dans la politique... Tesman, non. Sérieusement, je ne pense pas qu'il soit taillé pour faire un homme politique. Peut-être. Mais si je pouvais quand même le convaincre... Et quelle satisfaction en auriez-vous? Puisque Tesman n'est pas fait pour ça, il ne peut pas réussir, alors pourquoi? Je m'ennuie. Vous croyez qu'il est absolument impossible qu'il devienne, mettons, ministre? Ministre? Oh non, impossible. Il y a en plus une raison matérielle. Nous y sommes. La pauvreté. Cette pauvreté maudite qui rend la vie odieuse, ridicule, laide. Non, je ne pense pas que la pauvreté soit la vraie raison de votre désarroi. Quoi alors? Il ne vous est jamais rien arrivé d'important, de décisif. Rien de grave? Si vous voulez. Mais maintenant, tout peut changer. Vous pensez à ce concours pour ce maudit poste de professeur? C'est l'affaire de Tesman, je ne vais pas perdre mon temps à me tourmenter pour ça. N'en parlons plus. Mais s'il vous arrivait soudain d'être en face de ce qu'on appelle d'une façon un peu solennelle, de graves responsabilités humaines, familiales, à devoir nouveau pour vous. Ah, vous aussi. Laissez-moi tranquille. Ça n'arrivera pas, pas à moi. Vous m'entendez? Nous en reparlerons dans un an. Peut-être même avant. Je n'ai pas de vocation dans ce domaine. Et je ne veux aucune responsabilité familiale, comme vous dites. Voyons, voyons. Vous avez certainement, comme toutes les femmes... Oh, taisez-vous. J'ai souvent pensé qu'il n'y avait pour moi qu'une occupation possible. Et laquelle? M'ennuyer. M'ennuyer à mourir. Maintenant, vous le savez. Nous parlions de l'ennui et le professeur arrive. Eda, je vous en prie. Pas de message de Löfborg, hein? Non. Non, nous avons le temps. Personne ne sera chez moi avant 7h ou 7h30. Ah, ce qui va nous permettre de tenir compagnie à Eda un peu plus longtemps. Grâce à elle, nous oublierons l'heure, hein? En mettant les choses au pire, Monsieur Löfborg pourra toujours me tenir compagnie. En mettant les choses au pire? Que voulez-vous dire? Si Monsieur Löfborg refuse de passer la soirée chez vous. Mais il ne serait pas très convenable qu'il reste ici seul avec toi, hein? Tu sais que Tante Julie ne vient pas? Madame Elfstedt sera là. Nous prendrons le thé tous les trois. Ah, ce sera parfait. Et beaucoup plus sain pour Löfborg. Pourquoi? Bah, chère madame, vous m'avez dit un jour que seuls des hommes à principe et très sûrs d'eux-mêmes pouvaient sans risque prendre part à mes petites réceptions. Monsieur Löfborg est maintenant un homme à principe, comme vous dites. On l'a converti et purifié. Madame, c'est un monsieur qui demande à vous voir. Faites-le entrer. Je suis sûr que c'est lui. Hein? Hé, Inert, comme je suis heureux de te revoir. Merci pour ta lettre, Georges. Me permettrez-vous de vous serrer la main, madame? Ravi de vous voir, monsieur Löfborg. Vous vous connaissez, je pense. Le conseiller Brack, je crois. Lui-même? Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Hé, Inert, je veux que tu considères cette maison comme la tienne, n'est-ce pas, Eda? J'ai appris que tu étais décidé à t'installer en ville pour de bon. Oui, tout à fait décidé. Ah, tu as raison. Adi, tout à l'heure, j'ai acheté ton livre, mais j'ai juste eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Ne prends pas la peine d'aller plus loin. Pourquoi? Il ne vaut rien. C'est toi qui dis ça, tu plaisantes. Voyons, voyons, monsieur Löfborg, tout le monde admire votre livre. Vous ne le savez pas? Si, et du reste, c'est exactement ce que je voulais. Je l'ai écrit pour que n'importe qui puisse le comprendre. N'importe qui? Cela fait beaucoup de lecteurs. J'essaie de me refaire une situation, alors je commence par le commencement. Oui, naturellement, c'est la bonne méthode, hein? Non, mon vrai livre, le voilà. Quand il paraîtra, lis-le, Georges. Là, tu trouveras ma vraie pensée, tu entendras ma voix. Je te promets de le lire, et cette fois, sur quoi as-tu écrit? Sur le même sujet. Le second livre est simplement la suite du premier. Je ne comprends pas. Le premier couvre toute l'histoire de la civilisation jusqu'à l'époque actuelle. Le second est consacré à l'avenir. À l'avenir? Mais on ne peut rien en dire, c'est l'inconnu. Et pourquoi ne pas essayer d'explorer l'inconnu? Attends, tu vas comprendre. Tiens, on dirait que ce n'est pas ton écriture. J'ai tout dicté. L'éthique de la civilisation. Deux parties. La première est consacrée aux éléments, aux forces qui constituent la civilisation telle que nous pouvons la concevoir à l'heure actuelle. La seconde partie définit la direction dans laquelle la civilisation se développera sous l'influence de l'évolution des sciences et d'une nouvelle conception de l'histoire. Ah, c'est très neuf, hein? Jamais je n'aurais pensé à traiter ce sujet. Non, sûrement pas. J'ai apporté le manuscrit en pensant que ce soir je pourrais t'en lire quelques pages. Excellente idée, mais ce soir, je ne crois pas que ce sera possible. Aucune importance, nous trouverons bien un moment, un de ces jours. Non, à la vérité, Monsieur Lofborg, je suis le responsable de ce contretemps. Tout à l'heure, je donne un petit dîner en l'honneur de notre ami Tesman. Oh, dans ce cas, je vais... Non, mais non, non, non, je vous en prie. Voulez-vous nous faire le plaisir de vous joindre à nous? Je regrette, c'est impossible. J'insiste. Vous êtes un vieux camarade de Tesman, vous lui manqueriez. Nous serons tout à fait entre nous, un petit groupe d'amis, de complices. Je peux vous assurer que nous ne nous ennuyons jamais. Je suis certain que ce sera très divertissant, pourquoi ne pas emporter votre manuscrit? Rien ne vous empêchera de le lire à Tesman après le dîner. Je vous installerai dans une pièce tranquille. Eh bien voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que tu en dis, Eilert, hein? Tesman, si Monsieur Lofborg ne veut pas vous accompagner, je suis sûre qu'il préférerait rester ici et souper avec moi. Avec vous? Et avec Madame Elfsted. Ah, je l'ai rencontrée tout à l'heure. Il faut absolument que vous restiez, sans cela, qui la reconduira? Je vous remercie, madame. Je resterai. Très bien. Vous permettez? Oh, à propos, Eilert... Le sujet de tes cours sera le même que celui de ton livre? Oui. J'ai appris à la bibliothèque que tu avais, pour la rentrée, le projet d'une série de conférences, hein? J'espère que cela ne te contrarie pas. Ah, pourquoi? Pas du tout. Cela pourrait déranger tes plans, et je comprendrai. Je ne vais pas te demander de renoncer à ce projet pour me faire plaisir. Sois sûr que je n'entreprendrai rien avant ta nomination, j'attendrai. Mais n'as-tu pas l'intention de te présenter au concours contre moi? Contre toi? Oh, pas du tout. Il me suffit qu'on sache que j'aurais pu te battre. Ah. Ah, je le savais bien, tante Julie me l'avait dit, tu entends, Eda? Dis donc, Eilert ne veut pas du tout nous barrer la route. Nous barrer la route? Je t'en prie, ne mêle pas tes affaires. Eh bien, mon cher conseiller, qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Je pense que renoncer à la victoire est une bien belle chose. Naturellement. On dirait que tu viens d'être touché par la foudre. C'est à peu près ça. Nous étions menacés d'un terrible orage, chère madame. Messieurs, voulez-vous accepter un verre de punch? Le coup de l'étrier? Pourquoi pas? Eda, tu as toujours des idées merveilleuses, merveilleuses! Ah, je me sens revivre, moi! Et vous, Monsieur Lofborg, vous ne venez pas? Non, merci. Excusez-moi. Voyons, ami, croyez-moi, le punch n'est pas un poison. Ça dépend pour qui. Je vais tenir compagnie à Monsieur Lofborg. Servez-vous. C'est parfait, Eda, c'est parfait! J'aimerais vous montrer quelques photographies. Tesman et moi, nous avons visité le Tyrol pendant notre voyage de noces. Regardez ces montagnes, Monsieur Lofborg. C'est le massif de l'Ortler. Tesman a écrit le nom en bas de la page, le massif de l'Ortler près de Méran. Hedda Gabler. Chut. Hedda Gabler. C'était mon nom. Quand nous nous sommes connus. Et maintenant, jusqu'à à la fin de ma vie, plus jamais je ne pourrai dire Hedda Gabler. Plus jamais. Et vous feriez mieux de prendre cette habitude le plus tôt possible. Hedda Gabler, mariée, et mariée à Georges Tesman. C'est la vie. Oh, Hedda, Hedda, comment as-tu pu te perdre ainsi? Ah non, pas ces mots. Pourquoi? Et ceci, Monsieur Lofborg, est une vue de la vallée d'Ampezzo. Comment appelle-t-on ces montagnes, chérie? Attends, laisse-moi regarder. Eh bien, ce sont les Dolomites, tout simplement. Ah, oui, c'est vrai. Ce sont les Dolomites, Monsieur Lofborg. Eda, veux-tu un verre, hein? Oui, merci. Et quelques biscuits, s'il te plaît. Cigarette? Non. Parfait. Réponds-moi, Hedda. Comment en es-tu arrivée là? Si vous continuez à m'appeler Hedda et à me tutoyer, je ne vous parle plus. Je ne peux pas vous tutoyer, même quand nous sommes seuls? Non. En pensée, si vous voulez. Pas en parole. Je vois. C'est votre amour pour George Tessman qui s'en trouve atteint. Mon amour, ne soyez pas ridicule. Vous n'aimez pas George? Je ne le tromperai jamais. Hedda, je vous en prie. Répondez encore à une question, une seule. Chut. Voilà les bonnes choses qui arrivent. Mais pourquoi t'es-tu dérangée? Bert est là. Mais ça me fait plaisir, Hedda. Ah, tu as rempli les deux verres. Monsieur Lovborg ne veut pas boire, tu le sais bien. Oui, mais Madame Elfstedt ne va pas tarder. Ah, c'est vrai. Tu l'avais oublié, hein? Nous nous sommes plongés dans cet album. Oh, tu te souviens de ce petit village? Si, je m'en souviens. Je le vois encore, il est juste au-dessus du Brenner. Nous y avons passé la nuit. Il rencontrait une bande de voyageurs déchaînés, de vrais fous. On ne pouvait pas s'empêcher de rire tellement ils étaient drôles. Ah, Eilert, si tu avais été là avec nous, hein? Une seule question, Hedda. Je vous écoute. Moi non plus, vous ne m'avez jamais aimé, même pas un peu. Il me semble que nous étions deux amis. Deux bons amis qui n'avaient aucun secret l'un pour l'autre. Je connaissais le fond de votre cœur, vous me disiez tout. Parce que vous l'exigiez. Quand je revois ce temps-là, je me dis que notre amitié, ignorée de tous, notre alliance secrète, avait quelque chose de beau, de fascinant, de courageux aussi. Vous vous souvenez de ces après-midi où je venais vous voir dans la villa de votre père ? Le général se tenait devant la fenêtre et sommeillait, le nez dans son journal. Il nous tournait le dos. Nous étions assis, toujours à la même place, sur le divan, dans le coin du salon. Nous lisions toujours le même magazine, sans le lire. Nous n'avions pas d'album. Et là, à voix basse, je vous disais ce que je ne racontais à personne. Tous les actes bas et avilissants que je pouvais commettre. Ces nuits de débauche insensée que je traversais dans l'ivresse. Je vous avouais tout. Quel pouvoir aviez-vous donc pour que j'ose me livrer ainsi? Vous pensez que j'avais un pouvoir en moi? Je ne vois pas d'autre explication à ma conduite. Et toutes ces questions insidieuses, indirectes, que vous me posiez? Vous les compreniez parfaitement? Sans doute. Mais que vous puissiez, assise à côté de moi, m'interroger avec ce manque de pudeur. D'une façon indirecte. Le simple fait de poser ces questions. Vous y répondiez avec beaucoup de bonne volonté. C'est vrai. Et aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais dites-moi, Hedda, vous ne croyez pas qu'une sorte d'amour accompagnait notre intimité? Quand vous me posiez ces questions et que vous m'arrachiez mes pauvres secrets, est-ce que ce n'était pas pour me purifier? Pour m'aider? Ce n'était pas tout à fait pour cette raison. Alors pourquoi? Vous trouvez vraiment extraordinaire qu'une jeune fille ait envie de pénétrer dans un monde qui lui est interdit, de connaître ce qu'on veut lui cacher? Je voulais tout savoir. Et rester pure. Oui. Je pense que c'était ça. Au moins en partie. Nous étions unis dans la même curiosité, la même passion de la vie. Nous n'avions aucune raison de rompre. Vous avez commis une faute. Mais c'est vous qui avez décidé que tout était fini. Quand j'ai compris que votre amitié laissait la place à un autre sentiment, Eilert Lovborg, la honte devrait vous brûler aujourd'hui encore. J'avais confiance en vous. Vous avez essayé... Ce jour-là, vous avez menacé de me tuer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai eu peur du scandale. Parce que vous étiez lâche. Terriblement lâche. Heureusement pour vous. Maintenant, vous vous appuyez sur l'amitié de la famille Elfstead. Je sais que Théa vous a fait ses confidences. Vous lui avez parlé de nous? Pas un mot. Elle est incapable de comprendre. Vraiment? Oui. En amour, elle est tellement naïve. Et moi, je suis lâche. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez. Oui. Le soir où je n'ai pas osé vous tuer, j'ai commis une autre lâcheté, bien plus grande. Celle de me refuser à vous. Hedda. Maintenant, je sais ce qu'il y avait derrière notre amitié. Vous ne comprendrez jamais. enfin, Théa. Ah, je commençais à croire que tu ne viendrais pas. Viens, laisse-les. Ils sont parfaitement heureux tous les deux. Et ce soir, ils font la noce. Vous ne les accompagnez pas? Monsieur Lofborg préfère rester avec nous. Comme on est bien ici. Non, chérie, ne t'assieds pas là. Viens près de moi. Je veux être entre vous deux. Comme tu voudras. N'est-elle pas charmante à regarder? Seulement à regarder? Mais oui. Il y a entre nous une confiance totale. C'est pourquoi nous pouvons causer librement, franchement. Et sans questions indirectes? Oh, Ida! Tu sais ce qu'il me dit quelquefois? Que je l'inspire. Chère petite Théa, c'est vrai? Vous noterez, Madame Tesman, qu'elle a le courage de ses convictions. Elle va jusqu'au bout. Moi, j'ai du courage? Un courage sans faiblesse, quand il s'agit de son meilleur ami. Oui, le courage. Si seulement on avait cette force qui permet de continuer à vivre. La vie n'est pas désespérante, elle est ridicule. Il faut la supporter. Et maintenant, ma chérie, tu vas boire un verre de punch. Non, merci, je n'en prends jamais. Et vous, Monsieur Lofborg? Moi non plus. Il ne boit pas d'alcool. Et si je voulais? Cela ne changerait rien. Pas le moindre pouvoir sur vous. Pas dans ce domaine. Dommage. Sérieusement, je crois que vous devriez prendre un verre en pensant à vous. Ida! Que voulez-vous dire? Ou plutôt, en pensant aux autres. Expliquez-vous. Il me semble que votre sagesse peut faire croire que vous ne vous sentez pas tout à fait libre, pas tout à fait sûr de vous. Comme si elle vous était imposée par quelqu'un. Ida, je t'en prie, laisse-le. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, cela m'est complètement égal. Oui. Tout à l'heure, j'ai vu sur le visage du conseiller Braque. Quoi? Il souriait. Vous savez, c'était quand vous avez eu si peur de boire un verre. Peur? Je voulais simplement rester ici et causer avec vous. Voyons, Ida, c'est tout à fait naturel. Oui, mais le conseiller Braque, lui, ne sait pas que c'est naturel. Je l'ai encore vu faire un clin d'œil à Tesman quand vous n'avez pas osé accepter la petite fête de ce soir. Oser? Quel mot! Je ne le prends pas à mon compte, mais je suis sûre que Braque s'en servira. Eh bien, qu'il s'en serve. Alors vous n'irez pas chez lui? Non, je reste ici. Il est comme ça, tu sais. Ferme comme un roc. Voilà enfin un homme à principe. Quel exemple! S'ils étaient tous comme vous. Eh bien, Théa, qu'est-ce que je te disais ce matin quand tu es venue en courant si bouleversée? Bouleversée? Ida, Ida! Je vois que cette angoisse mortelle ne reposait sur rien. Et maintenant, soyons gais et amusons-nous tous les trois. Madame Tesman, voulez-vous être assez bonne pour vous expliquer? Oh mon Dieu, Ida, qu'as-tu fait? Sois calme, Braque te regarde. Vous avez dit une angoisse mortelle. À mon sujet? Oh, Ida! C'est donc ainsi que vous avez confiance en moi. C'est ainsi que vous êtes fidèle à notre pacte. Vous avez parlé de nous à Madame Tesman. Écoute, Eilert... À ta santé, Théa. C'est ce que tu voulais, tu es contente. Mais tu es folle. À votre santé, Madame Tesman. Vous avez dit la vérité. Merci, la voilà la vérité. Du calme, mon cher, c'est suffisant pour le moment. N'oubliez pas votre soirée chez Braque. Non. Chut, te regarde. Théa, dis-moi la vérité. Oui. Quand tu es partie, ton mari savait que tu me suivais? Oh, Ida! Je vois. Vous étiez d'accord, tous les deux, pour me surveiller. Et même, c'est peut-être lui qui a eu cette idée. Après tout, il est magistrat. Je suppose qu'il a besoin de moi dans son travail, ou pour faire sa partie de cartes. Je lui manque. Eilert! Eilert! Je vais boire à la santé du juge de paix Elfstedt, mon ami et mon ange gardien. Encore une fois, c'est suffisant. N'oubliez pas que vous devez lire votre manuscrit à Tesman. C'est vrai. Théa, je viens de me conduire comme un idiot. Excuse-moi, ne te fais pas de soucis, tu verras, oui. Et les autres verront aussi que si je suis tombé, j'ai fini par me remettre debout, avec ton aide. Mais que je peux aussi être libre. Madame Tesman, il est temps que nous partions. Ne vous mettez pas en retard. Messieurs, je suis votre homme. Alert, n'y va pas, je t'en prie. Vous m'avez proposé de me joindre à vous. Vous venez? Je peux. Mais voyons... Trop heureux. J'aimerais vraiment te montrer une ou deux choses avant de l'envoyer à l'imprimeur. Ah, d'accord, je me réjouis de voir ça. Mais dis-moi, Ida, comment Madame Elfstedt va-t-elle rentrer, hein? Je viendrai vous chercher naturellement. À 10 heures, madame, cela vous convient? Tout à fait. C'est parfait. Quant à moi, Ada, je rentrerai un peu plus tard. Reste aussi longtemps que tu voudras, mon cher. Monsieur Lovborg, c'est entendu. Je vous attends ici. Vous viendrez me chercher? Je viens de vous le dire, cher ami. Je tiens mes promesses, moi. Messieurs, notre soirée commence. J'espère que pour reprendre l'expression d'une belle dame de ma connaissance, nous nous donnerons du bon temps. Dommage que cette belle dame ne puisse se trouver parmi vous. Invisible. Pourquoi invisible? Pour vous voir déchaîner et entendre vos bonnes histoires. Je ne donnerai sûrement pas à cette dame le conseil d'écouter ce que nous allons raconter ce soir. Ah non, alors, Ida, tu es étonnante. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit. À 10 heures. Oh, Ida, Ida, comment est-ce que tout cela finira? À 10 heures, Lovborg sera là. Je le vois déjà couronné de pampres, l'air intrépide et plein d'ardeur. Oh, que le ciel t'entende! Il sera redevenu tout à fait lui-même, un homme libre. Libre pour toute sa vie. Pourvu que tu aies raison et qu'il rentre. Doute de Lovborg autant que tu voudras. Moi, je lui fais confiance. Et puis, nous verrons bien. On dirait que tu as une arrière-pensée. Pour une fois dans ma vie, j'exerce mon pouvoir. Je pèse sur le destin d'un homme. Pour une fois? Mais tu l'as déjà montré, ce pouvoir. Je ne l'ai jamais eu. Et ton mari? Lui. Oh, si tu pouvais comprendre à quel point je suis pauvre. Toi, tu es riche. Si tu savais comme tu es riche. Après tout, je pense que je finirai par te brûler les cheveux. Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Le thé est servi dans la salle à manger, madame. C'est bien, Berthe. Nous venons. Non, non, je préfère rentrer seule. Maintenant, tout de suite. Ah, ne dis pas de bêtises. Il faut d'abord que tu prennes ton thé, petite sotte. Et plus tard, à 10 heures, Eilert arrivera, couronné de pampres, invincible. Le matin du jour suivant. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. Donnez. Elle est pour le docteur. C'est un voisin de Mademoiselle Tessman qui l'a portée. Oh. La lampe file. Vaudrait mieux l'éteindre. Le jour est levé. C'est vrai. Il n'est toujours pas rentré. Oh, pauvre Georges, je m'en doutais. Quand j'ai appris qu'un certain monsieur était de retour et qu'il avait accompagné le docteur. Parce qu'il faut vous dire que, dans le temps, on m'en a assez parlé de ce monsieur. Pas si fort, vous allez réveiller madame. Oui. Il faut la laisser dormir, la pauvre. Vous voulez que je mette une bûche? Merci, ce n'est pas la peine. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Qu'est-ce que je fais ici? Oh, oui. Quelle heure est-il? Un peu plus de 7 heures. Quand Tessman est-il rentré? Il n'est pas rentré. Comment pas rentré? Non, et Eilert non plus. Oh, dire que nous avons veillé jusqu'à 4 heures du matin. Oui, comme je l'attendais. Nous avons eu bien tort de nous donner cette peine. Tu as pu dormir? Un peu. Et toi? Non. Oh. Ne te fais pas tant de soucis, je sais ce qui est arrivé. Quoi? La soirée chez Braque s'est prolongée très tard. Je comprends, mais... Et Tessman a eu peur de me réveiller en rentrant au milieu de la nuit. Et il a sans doute préféré ne pas montrer son visage des lendemains de fête. Mais alors où est-il allé? Chez sa tante. Non, on vient d'apporter une lettre pour lui de Mademoiselle Tessman, justement. La bonne l'a posée là. Ah? Ah oui, c'est l'écriture de tante Julie. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Il a dû rester chez Braque. Et Lovborg est en train de lui faire la lecture. Tu me racontes une histoire, mais tu n'y crois pas. Oh, Théa, tu es vraiment une tête de mule. Et tu as l'air mortellement fatiguée. Oui, mortellement. Viens t'allonger dans la petite chambre, tu te reposeras un peu. Non, je ne dormirai pas. Mais si. Ton mari va bientôt rentrer, il pourra me dire ce qui s'est passé. J'irai te réveiller dès qu'il sera là. Tu me le promets? Ne t'inquiète pas, va dormir. Je vais essayer. Madame veut quelque chose? Mettez du bois dans le poêle, s'il vous plaît, j'ai froid. Il va reprendre tout de suite. Bonjour. Ada, comme tu t'es levée de bonne heure aujourd'hui, hein? Oui. Et moi qui te croyais dans ton lit? Ah, pas si fort, Madame Elfstedt est dans la petite chambre. Elle dort. Elle a passé la nuit ici. Naturellement, puisqu'il n'y avait personne pour la ramener chez elle. Ah, c'est vrai. Alors? C'était amusant? Tu t'es fait du souci pour moi, hein? Pas du tout. Je te demande si tu t'es amusé. Beaucoup. Pour la première fois depuis longtemps. Au début, surtout, pendant qu'Eilert me lisait son livre. Nous sommes arrivés chez Braque plus d'une heure trop tôt. Braque avait des ordres à donner, alors Eilert s'est mise à lire. Ah, raconte-moi ça. Franchement, Ada, quel livre extraordinaire. Tu ne peux pas savoir, c'est une des œuvres les plus remarquables qu'on ait jamais écrites. Le livre ne m'intéresse pas tellement. Il faut que je t'avoue quelque chose. Quand Lovborg est arrivé à la fin, j'ai senti que je devenais mauvais. Mauvais, toi? J'enviais Eilert d'avoir pu écrire un livre de cette force, de cette profondeur. J'étais jaloux, tu vois? Oui, je vois. Remarque que malgré tous ses dons, Lovborg reste incorrigible. C'est tragique, tu sais. Incorrigible? Il a moins peur de la vie que la plupart des hommes, c'est ce que tu veux dire? Non, pas du tout. Je veux dire qu'il ne sait pas ce que c'est que la mesure, surtout dans le plaisir. Et comment la soirée a-t-elle fini? À bien y réfléchir, tu sais, je crois qu'on pourrait dire par une bacchanale. Est-ce que Lovborg portait une couronne de pampre? Une couronne de pampre? Je n'ai rien vu de pareil. Il a prononcé un discours embrouillé, très long, en l'honneur de la femme qui l'a inspiré pendant qu'il écrivait son livre. Ce sont ses propres mots. Il l'a nommée? Non. Mais je pense qu'il s'agit de Madame Elfstedt. Attends un peu et tu verras que j'ai raison. Où vous êtes-vous quittés? Sur le chemin du retour. Nous étions partis ensemble, les derniers, je crois. Braque nous a suivis pour prendre l'air et finalement nous avons décidé de reconduire Eilert chez lui. Il avait bu un verre de trop. Mais je ne t'ai pas raconté le plus bizarre, enfin je devrais dire le plus tragique. Quand j'y pense, j'ai presque honte pour Lovborg. Je me demande si dans son intérêt... Parle. Pendant le trajet, je suis resté en arrière une minute. Et au moment de rejoindre les autres, je trouve sur le bord de la route... Tu devines, hein? Comment veux-tu que je devine? Non, promets-moi de ne le dire à personne, hein, pour sa réputation. Tiens, regarde. C'est le paquet qu'il avait hier? Son manuscrit. Un travail irremplaçable. Il l'a perdu sans s'en apercevoir. Et comme il n'y a aucune indication, pas de nom ni d'adresse... Tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Enfin, c'est tragique. Tu aurais dû le lui rendre. Je n'ai pas revu Lovborg. En traversant les faubourgs, il était avec un ou deux autres et hop, disparu. Tu n'as dit à personne que tu avais trouvé le manuscrit? Non, je m'en suis bien gardé. Pense un peu à sa réputation après ça. Personne ne sait qu'il est entre tes mains. Et personne ne doit le savoir. Après, qu'as-tu fait? J'ai retrouvé quelques joyeux compagnons, comme on dit. L'un d'entre eux nous a invités à prendre une tasse de café. Je vais me reposer un moment et laisser Eilert le temps de dormir. Après, j'irai lui rendre le manuscrit. Ne lui rends pas tout de suite. Laisse-moi d'abord le lire. Ah non, vraiment, je n'oserais pas. Tu n'oserais pas? Enfin, imagine un peu son désespoir quand il se réveillera et qu'il s'apercevra que son manuscrit est perdu. Enfin, tu sais, il n'a que cet exemplaire-là. Il me l'a dit lui-même. Il serait incapable de le refaire? Mais c'est impossible! Il faudrait qu'il retrouve le mouvement, l'inspiration. Ah oui, je comprends, l'inspiration. J'oubliais, il y a une lettre pour toi. Ah, qu'est-ce que c'est? On l'a apportée très tôt ce matin. C'est de tante Julie. Oh! Oh, Ada, elle m'écrit que tante Rina est en train de mourir. Ça devait arriver un jour. Et que si je veux lui dire adieu, il faut que je vienne tout de suite. Eda, si tu venais avec moi, hein, qu'en penses-tu? Non, non, non, ne me demande pas ça. Je ne supporte ni la maladie, ni la mort. Tout ce qu'elle est me rebute et me dégoûte. Oui, oui. Mon chapeau, mon pardessus. Ah, je les ai laissés dans l'entrée. J'espère que je n'arriverai pas trop tard, Eda. Hein? Le conseiller Braque. À cette heure-ci? Mais je ne peux pas le recevoir. Mais je peux, moi. Dites-lui d'entrer. Mais le manuscrit. Je vais le garder. Eh bien, voilà un oiseau matinal. N'est-ce pas? Encore debout, Tesman? Je cours chez mes tantes, la pauvre tante Rina est mourante. Ah! Ah, il ne faut pas que je vous retienne. Je me dépêche. Au revoir! Vous êtes bien amusé cette nuit dernière, mon cher conseiller? Ma foi, oui. Au point que je n'ai pas encore eu le temps de changer de costume. Vous non plus. Qu'est-ce que Tesman a bien pu vous raconter? Une histoire assommante et embrouillée. Il s'est promené, il est allé prendre le café avec des amis. Löfborg n'était pas avec eux? Non, ils avaient commencé par le reconduire. Tesman l'accompagnait? Je ne crois pas. Un ou deux amis, c'est ce qu'il m'a dit. Tesman est vraiment un homme plein de confiance, Eda. Oh oui. Mais dites-moi, il est arrivé quelque chose? Je le crains. Quoi? Cette nuit, j'avais une raison particulière pour suivre mes hôtes à la trace. Du moins, certains de mes hôtes. Et parmi ceux-ci, Eilert Löfborg. Exact. Vous commencez à m'intriguer. Savez-vous où il a terminé la nuit? Dites-le moi. Si vous le pouvez sans me choquer. Je pense que cela ne vous choquera pas. En sortant de chez moi, certains de mes invités se sont rendus à une partie. Extrêmement animée. Une partie d'un caractère sportif? Hautement sportif. Löfborg avait d'abord refusé, comme vous le savez, il a fait peau neuve. Et pourtant, il a fini par accepter. Oui, le champagne a bouleversé ses bonnes résolutions. Les hommes sont ce qu'ils sont, pas toujours très fermes sur les principes. Je suis sûre que vous êtes une exception, conseiller Braque. Pour tout dire, Löfborg a fini par se retrouver chez Mademoiselle Diane. Mademoiselle Diane? C'est elle qui donnait cette soirée pour quelques amis et admirateurs. Une femme qui a les cheveux rouges, n'est-ce pas? Exact. Une sorte de chanteuse. Elle chante quelquefois, mais elle a d'autres talents que Löfborg, dans sa jeunesse, appréciait beaucoup. Et la nuit s'est terminée comment? Mal. Mademoiselle Diane avait particulièrement bien accueilli Löfborg, mais il a fini par se battre avec elle. Se battre? Oui. Il se plaignait d'avoir été volé par elle ou par une des jeunes personnes qui se trouvaient là. Son portefeuille disparu ou ses papiers, je ne sais plus. Il a fait un scandale épouvantable. Après? Une bagarre générale, une empoignade de voyous, les hommes et les femmes se roulant par terre. Heureusement, la police est arrivée. La police? Oui. Et j'ai bien peur que ce fou de Löfborg ne trouve l'addition salée. Ah? Il paraît qu'il ne s'est pas laissé faire. Non seulement il a giflé un agent, mais il lui a déchiré son uniforme. On a fini par l'emmener au poste. Comment avez-vous appris tout ça? Par les rapports de police. Voilà donc ce qui lui est arrivé. Pas de couronne de pampres. Une couronne de pampres? Mais dites-moi, mon cher, pourquoi portez-vous un tel intérêt à Löfborg? Parce que l'enquête peut révéler que cette nuit, il sortait de chez moi. Il y aura donc une enquête? Forcément, ce n'est pas très grave, mais je crois que mon devoir, comme ami de la famille, était de vous renseigner, vous et votre mari, sur les aventures nocturnes de M. Löfborg. Pourquoi? Parce que j'ai quelques raisons de croire qu'il veut se servir de vous comme d'un paravent. Oh. Qu'allez-vous imaginer? Eda, pour l'amour du ciel, ne me prenez pas pour un aveugle et regardez les fêtes. Cette madame Elfstedt ne retournera pas de sitôt chez son mari. Et désormais, toute famille respectable fermera sa porte à Löfborg. Vous pensez que je devrais en faire autant? Oui. Personnellement, il me serait très désagréable que ce monsieur continue d'avoir ses entrées chez vous. Si ce gêneur voulait s'introduire dans... Dans le triangle? Exactement. Ce serait pour moi comme la perte d'une famille. Je vois. Vous voulez rester le seul coq dans la maison? Oui, c'est mon but. Et j'essaierai de l'atteindre, par tous les moyens. Je commence à croire que vous êtes un homme dangereux à partir du moment où vous voulez vraiment obtenir quelque chose. Vous croyez? Je suis heureuse de ne pas être entre vos mains. Soyez heureuse, Eda, mais ne présumez pas trop de l'avenir. Une menace? Absolument pas. Le triangle ne peut se former qu'en dehors de toute contrainte. C'est aussi mon avis. Bon, j'ai dit ce que je voulais dire. Il faut que je m'en aille. Au revoir, Eda. Vous passez par le jardin? Oui, c'est plus court. Vous préférez toujours la petite porte? Je ne déteste pas les petites portes. Elles permettent parfois de connaître des plaisirs nouveaux, des sensations inédites. Des coups de pistolet, par exemple? On ne tire pas sur les coqs. C'est vrai, surtout quand on n'en possède qu'un. Il faut que je voie Monsieur Tessman. Mais monsieur, il dort. Que voulez-vous que ça me fasse? Mais monsieur, je ne sais pas si je... Faites ce que je vous dis et laissez-moi passer. C'est maintenant que vous venez chercher Théa? Vous arrivez un peu tard. Et il est un peu tôt pour me présenter chez vous. Excusez-moi. Comment savez-vous qu'elle est encore ici? À son hôtel, les gens m'ont dit qu'elle n'était pas rentrée. Avez-vous remarqué quelque chose quand vous avez questionné ces gens? Non, je n'ai rien remarqué. Ils n'étaient pas gênés de vous voir, vraiment? Et Théa, vous y avez pensé cette nuit? Ah, oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'entraîne Théa dans ma perte. Tessman n'est pas encore levé? Je ne crois pas. Quand est-il rentré? Très tard. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Je sais que vous vous êtes bien amusé cette nuit. Oui, beaucoup. Et il ne vous a rien dit d'autre? Je ne crois pas. Il est vrai que je mourais de sommeil. Oh, Hilaire, enfin! Oui, enfin. Et trop tard. Comment trop tard? Trop tard. Pour tout. Je suis un homme fini, Théa. Non, non, ne dis pas ça! C'est ce que tu diras quand tu sauras ce que j'ai fait. Je ne veux rien savoir. Vous voulez peut-être causer en tête-à-tête, je vous laisse. Non, restez. Je ne veux rien savoir, je te dis. Il ne s'agit pas de ce qui s'est passé cette nuit. Alors? Nous ne devons plus nous voir, Théa. Je le savais. Je ne veux plus me servir de toi. Qu'est-ce que tu dis, Hilaire? Mais je peux encore t'aider. Nous continuerons à travailler ensemble. Je n'écrirai plus jamais. Plus jamais. Que veux-tu que je fasse de ma vie? Continuer, comme si tu ne m'avais pas connue. C'est impossible. Essaie, Théa. Pars, je t'en prie. Rentre chez ton mari. Jamais. C'est avec toi que je veux vivre. Je serai avec toi quand le livre paraîtra. Ah, le livre. Notre livre. Celui de Théa et le mien. Oh oui, j'ai le droit d'être avec toi. Ta joie et ton triomphe, je veux les partager. Théa, notre livre ne paraîtra pas. Maintenant, c'est impossible. Qu'as-tu fait du manuscrit? Je l'ai déchiré. Non! Mais ce n'est pas vrai. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai? Mais pourquoi? C'est tellement incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Rien n'est plus vrai. Mon Dieu, Eda! Il a détruit son livre. J'ai détruit ma vie. Pourquoi pas l'œuvre de ma vie? Et c'est ce que tu as fait cette nuit? Oui, Théa, je l'ai déchiré en 1000 morceaux. Et j'ai jeté les morceaux à la mer, dans une eau pure. Qu'elle emporte tout, avec le courant et le vent. En cet instant, tout disparaît, tout au fond, le plus loin possible. Comme moi. Hilaire, ce livre que tu as rejeté, noyé, toute ma vie était dedans. Pour moi, c'était un enfant. Tu as raison. C'est comme si j'avais tué un enfant. Comment as-tu pu faire ça? Il était aussi à moi? Oh, l'enfant. Tout est fini maintenant. Je vais m'en aller, Eda. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne vois plus rien devant moi. Plus rien. Que la nuit. Vous ne l'accompagnez pas? À travers la ville. Pour que tout le monde la voie avec moi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé cette nuit, mais... est-ce que votre situation est vraiment si difficile? Il ne s'agit pas seulement de cette nuit, Eda. Mais de la fureur que j'avais crue morte. Qui m'a repris. Qui va m'emporter comme jadis. Et je ne pourrai même plus vivre ma folie. Théa m'a pris mon courage. J'en ai plus. Pour aucune vie. Cette petite idiote a voulu changer le destin d'un homme. Mais vous, comment avez-vous pu manquer de cœur à ce point? Ne me dites pas que j'ai manqué de cœur. Vous avez détruit la seule chose qui donnait un sens à la vie et vous n'appelez pas ça manquer de cœur. Vous voulez la vérité, Eda? La vérité? Jurez-moi que Théa ne sera jamais rien. Je vous le jure. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas vrai. À propos du manuscrit ? Oui. Je ne l'ai pas déchiré, ni jeté à la mer. Alors où est-il ? Il est perdu. Ça revient au même. Je ne comprends pas. Théa a parlé de mon geste comme d'un infanticide. C'est ce qu'elle a dit, en effet. Tu es un enfant. Ce n'est pas ce qu'un père peut faire de plus atroce. Vous connaissez un acte plus grave. Oui. Imaginez ceci. Un homme rentre chez lui, à l'aube, après une nuit de débauche, et dit à sa femme, « J'ai emmené notre enfant partout, pendant toute la nuit, partout, et je l'ai perdu. Dieu sait en quelles mains notre enfant est tombé. » Assez parlé d'enfant, il s'agit d'un livre. Le cœur et l'âme de Théa avaient passé dans ce livre, il était toute sa vie. Oui. Alors vous devez comprendre qu'il ne peut plus rien exister entre elle et moi. Qu'allez-vous faire ? Je ne sais pas. Mais je veux que tout cela finisse. Et le plus tôt possible. Eilert Löfborg, écoutez-moi. Que ce soit en beauté. Finissez en beauté. En beauté ? Avec une couronne de pampre. C'est ce que vous me proposiez déjà il y a longtemps. Non, je ne crois plus à la couronne, mais je crois toujours à la beauté. Adieu. Ne revenez plus ici. Attendez. Je veux que vous emportiez un souvenir de moi. C'est ça, votre souvenir ? Vous le reconnaissez ? Un jour, il a été braqué sur vous. Vous auriez dû tirer. Merci. En beauté, Eilert Löfborg. Au moins, promettez-moi ça. Adieu, Hedda Gabler. Je brûle ton enfant, Théa. L'enfant qu'Eilert t'avait donné. Je le brûle. Je brûle ton enfant. Le soir. Hedda, je porte les vêtements du deuil et de l'affliction, mais ma chère sœur en a fini avec la souffrance. Je le savais, Tessman m'a envoyé un mot. Il me l'avait promis. Mais je pensais que je devais venir apporter moi-même la nouvelle de la mort dans cette maison qui sera bientôt celle de la vie. Vous avez bien fait. Rina n'aurait pas dû nous quitter en ce moment. La maison de Eda ne devrait pas être touchée par le malheur. Elle s'est éteinte dans la sérénité, n'est-ce pas, mademoiselle Tessman? Oui. Sa fin a été très belle, très calme. Les liens qui la retenaient sont tombés doucement. Et elle avait eu le grand bonheur de voir Georges une dernière fois, de lui dire adieu. Il n'est pas rentré? Non, pas encore, mais asseyez-vous, je vous en prie. Je ne demanderai pas mieux, ma chère Eda. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Il faut que j'aille habiller ma pauvre Rina et la faire aussi belle que je le pourrai avant son départ. Est-ce que je peux vous être utile à quelque chose? Non. Il ne faut pas que vous pensiez à la mort, ni que vos mains soient souillées à son contact. On ne commande pas ses pensées. Nous allons coudre chez nous le linceul de Rina. Et bientôt ici, on va coudre. Mais Dieu merci, ce ne sera pas pour ensevelir un mort. Ah, tu es là, tante Julie. Est-ce que tu as pu faire tout ce que tu m'avais promis? Non. Je crains d'en avoir oublié la moitié. Aujourd'hui, je suis tellement bouleversée que j'ai du mal à mettre de l'ordre dans mes idées. Il ne faut pas prendre les choses ainsi, Georges. Mais tu sais... Dans ta douleur, tu dois être heureux. Heureux de ce qui est arrivé, comme je le suis moi-même. Pauvre tante Rina. La volonté de Dieu est accomplie. Nous devons nous tourner vers la vie. Eda, j'espère que dans votre maison, il y aura bientôt du travail pour moi. J'ai besoin de vivre pour quelqu'un. Oh, je vous en prie. Oui, que nous serions bien tous les trois ensemble, si... Si? Oh, rien de grave. Espérons que les choses finiront par s'arranger. Bon, je suis sûre que vous avez à parler tous les deux. Eda a peut-être une confidence à te faire. Au revoir. Il faut que j'aille retrouver Rina. Comme c'est étrange. Elle est à la fois avec moi et avec mon cher Joachim. Oui, c'est vrai. Hein? Je crois vraiment que cette mort te fait plus de peine qu'à ta tante. Ce n'est pas seulement la mort de Rina. Il y a aussi le mort. Il lui est arrivé quelque chose? J'ai couru à son hôtel cet après-midi. Je voulais lui dire que le manuscrit était en lieu sûr. Tu ne l'as pas trouvé? Non, il était absent. Un peu plus tard, j'ai rencontré Madame Elfstedt et elle m'a dit qu'il était venu ici ce matin. Tout de suite après ton départ? Et qu'il prétendait avoir déchiré son manuscrit. C'est ce qu'il a dit? Il a perdu la tête. Tu n'as pas osé le lui rendre? Non. Mais tu lui as dit qu'il était entre nos mains? Non. Ah. Est-ce que tu l'as dit à Madame Elfstedt? J'ai préféré ne pas lui en parler. Mais tu aurais dû le faire, toi. Pense au désespoir de Lovborg quand il rentrera chez lui. Tiens, donne-moi le paquet, je vais le lui porter tout de suite. Où l'as-tu rangé? Je ne l'ai plus. Qu'est-ce que tu dis, tu ne l'as plus? Je l'ai brûlé. Brûlé? Tu as brûlé l'œuvre d'Eilert? Pas si fort, la bonne pourrait t'entendre. Brûlé? Au nom du ciel, c'est impossible. C'est vrai. Eda, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Mais c'est un acte qui tombe sous le coup de la loi! Mais demande à Braque, tiens! Il serait préférable de ne pas parler de cette affaire à Braque, ni à personne. Mais comment as-tu pu faire une chose aussi monstrueuse? Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Réponds-moi! Hein? Je l'ai fait pour toi, Georges. Pour moi? Quand tu es arrivé ce matin et que tu m'as raconté comment Lovborg t'avait lu son manuscrit... Oui, alors? Tu m'as dit que tu étais jaloux. C'était une façon de parler. Je n'ai pas pu supporter qu'un autre te rejette dans l'ombre. Eda. C'est vrai? Mais jamais je n'aurais pensé que tu pouvais m'aimer à ce point. Écoute, il y a autre chose. Il vaut mieux que tu le saches. Depuis quelque temps, je sais que je vais avoir... Ah non, non. Demande à tante Julie, elle te dira tout. Eda. Mon Dieu, pourvu que ce soit vrai. Hein? Oh, relève-toi, la bonne pourrait entrer. La bonne? Et après, puisque c'est Berthe, je vais aller lui annoncer la nouvelle. Oh, j'en peux plus. Eda, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Georges, tout ça est ridicule. Ridicule? Tu trouves mon bonheur ridicule? Non, hein? Mais tu as raison, il est peut-être préférable que je ne dise rien à Berthe. Pourquoi? Après tout, elle peut bien être au courant, elle aussi. Non, je ne lui dirai rien, pas maintenant. Mais pourtant, Julie, c'est autre chose. Mais il faut qu'elle le sache, elle va être contente. Si contente, mais tu ne peux pas savoir. Tu crois qu'elle sera contente d'apprendre que j'ai brûlé le manuscrit d'Eilert ? Par amour pour toi. Mais non, naturellement, elle n'en saura rien, ce manuscrit. Pauvre Eilert. C'est tout de même terrible. Je suis sûr qu'on ne voit pas souvent une femme aimer son mari comme tu m'aimes. Hein? Eda, excuse-moi d'être revenue. Qu'est-ce qui se passe, Théa? Il s'agit de Lovborg, hein? Oui, j'ai affreusement peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Tu crois? Pourquoi cette idée? En ville, on dit des choses terribles sur ce qu'il a fait cette nuit. Mais moi, je peux témoigner qu'il nous a quittés pour rentrer à son hôtel. J'ai eu si peur que je suis allée chez lui pour le voir. Oh, tu crois que c'était convenable? Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans l'ignorance. Vous ne l'avez pas trouvé? Non. Personne ne savait rien. On m'a dit qu'il n'était pas rentré depuis hier après-midi. Depuis hier? Mais c'est impossible. Eda, je pense que je devrais aller en ville pour faire une enquête. Ne te mêle pas de cette affaire. Il faut que je vous parle, Tessman. Ah, vous avez reçu le mot de tante Julie? Oui, j'ai appris la nouvelle. Tragique, n'est-ce pas? Cela dépend de votre point de vue, mon cher. Pourquoi? Il est arrivé autre chose? Oui. Un événement grave? Cela aussi dépend de votre point de vue, madame. Il s'agit d'Eilert. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Rien, rien du tout. Mais parlez, Braque, au nom du ciel! Bon, on a dû conduire Lovborg à l'hôpital. Mon Dieu, mon Dieu! À l'hôpital? Déjà? Et nous nous sommes quittés fâchés. Théa, Théa, voyons. Je veux le voir, je veux le voir. Inutile d'essayer, madame. Personne ne peut l'approcher. Mais que lui est-il arrivé? Vous devez me le dire. Il n'a pas voulu se tuer, hein? Je suis sûre que si. Eda, mais comment peux-tu dire ça? Madame, vous avez malheureusement deviné juste. C'est affreux. Il a voulu se tuer? Un coup de pistolet. Vous avez encore deviné juste. Quand est-ce arrivé? Cet après-midi. Entre 3 et 4 heures. Mais où, hein? Chez lui, mon cher, naturellement. Non, c'est impossible, je suis arrivée à son hôtel après 6 heures. Ah, alors cela s'est passé ailleurs. Je sais seulement que quand on l'a trouvé, il venait de se tirer une balle dans la poitrine. Quelle horreur! Dans la poitrine? Oui. Pas dans la tête? Près du cœur, madame. Le cœur, oui. C'est une bonne place. Pourquoi? Rien, je pensais à autre chose. Mais comment avez-vous appris? Par la police. Enfin un acte courageux. Qu'est-ce que tu dis, Eda? Il y a de la beauté dans ce qu'a fait Lovborg. Madame Tessman... De la beauté? Comment peux-tu voir de la beauté dans une chose pareille? Eilert s'est mis en règle avec la vie. Il a eu le courage de faire ce qu'il devait. Non, ce n'est pas ça, non. Il a tiré dans un moment de folie. Ou de désespoir. C'est faux, je le sais. Oui, dans un moment de folie. Comme lorsqu'il a déchiré son manuscrit. Ah, il a déchiré son manuscrit? La nuit dernière. Étrange. Comme il a dû être malheureux. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Et maintenant, le voilà tout seul. Je ferai n'importe quoi pour lui redonner le goût de vivre. Je me souviens de ce qu'il m'a lu. Il y avait dans son manuscrit des formules qui résumaient des chapitres entiers. Je pourrais peut-être essayer de les reconstituer de mémoire. Ça l'aidera toujours un peu quand il se remettra à écrire. Oh oui! Et s'il y a des recherches à faire, hein, j'ai l'habitude. J'avais gardé quelques notes, ce n'est pas grand-chose. Comment, au contraire, c'est très important, où sont-elles? Elles ne me quittent jamais. Je vais y jeter un coup d'œil avec vous, comme ça je pourrai me rendre compte si mon projet est réalisable. Vous croyez? Il me semble que je n'aurai jamais le courage. Mais si, où sont-elles? Dans mon manteau. Bon, allons dans le petit salon. Excusez-moi, Braque. Il est mort, n'est-ce pas? Oui. Cet acte de Lovborg est comme une délivrance. Une délivrance? Eda, pour lui, bien sûr. Pour moi. C'est une délivrance de voir un homme capable de se conduire avec un vrai courage dans ce monde. Et de mourir en beauté. Écoutez, ma chère Eda... C'est ce que vous allez me dire. Vous aussi, vous êtes un bourgeois, finalement, pour tout ce qui touche à l'amour. Lovborg a compté pour vous. Bien davantage que vous ne le dites, n'est-il pas vrai? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je sais seulement ceci. Il a eu le courage d'accorder sa mort avec ses principes. Et il vient d'accomplir quelque chose de grand et de beau. Je suis désolé, Eda, je vais vous faire perdre vos illusions. Mais illusion. Lefborg n'avait pas l'intention de se suicider. Il n'avait pas? Non. L'affaire ne s'est pas passée exactement comme je viens de la raconter. Vous n'avez pas tout dit? J'ai dû, pour épargner cette pauvre Madame Elfstedt, introduire dans mon récit une ou deux variantes. Lesquelles? Pour commencer, quand je suis arrivé, Lefborg était déjà mort. À l'hôpital? Oui, sans avoir repris connaissance. Qu'avez-vous caché encore? L'accident n'a pas eu lieu chez lui. C'est sans importance. Pas du tout. Lefborg a été trouvé mort dans le boudoir de Mademoiselle Diane. C'est impossible! Il n'est pas retourné là-bas aujourd'hui? Il y est allé cet après-midi. Pour réclamer quelque chose que, disait-il, on lui avait volé. Il parlait d'une façon obscure, d'un enfant qu'il avait perdu. C'était donc ça. Je me suis dit d'abord qu'il voulait parler de son livre, de son manuscrit, mais je viens d'apprendre qu'il l'a détruit de ses propres mains. Il s'agissait sans doute simplement de son portefeuille. Voilà donc où il a fini. Oui, avec dans la poche de son habit un pistolet, chargé. Le coup parti probablement par hasard avait été mortel. Par hasard? Un coup en plein cœur? Non, dans le bas-ventre. Oh, tout ce que je touche devient sale et ridicule. C'est comme une malédiction. Mais il y a autre chose, Edda. Un petit fait sale et ridicule aussi. Quoi? Le pistolet qu'il avait sur lui. Oui, le pistolet. Il l'a volé. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'il l'ait volé. Il n'a pas fait ça. C'est la seule explication. Il faut... Chut. La lampe du petit salon éclaire vraiment trop mal, Edda. Tu permets que nous nous servions de ton bureau pendant un moment, hein? Mais oui, naturellement. Ah, attends! Laisse-moi d'abord ranger un peu. Non, ne te donne pas cette peine, nous avons bien assez de place. Laisse, je t'en prie. Elle prend au fond de l'étagère un objet couvert avec des feuilles de papier à musique, remet quelques feuilles par-dessus et emporte le tout. Tessman place ses papiers sur le bureau et va chercher la lampe qui se trouve sur la petite table. Alors, Théa, ce travail est en bonne voie? Il faut commencer par classer tout cela, mais je crois que ce sera très difficile. Mais nous devons y arriver. Après tout, mettre de l'ordre dans les papiers des autres, c'est un peu ma spécialité, hein? Que disiez-vous à propos du pistolet? Il faut que Lefborg l'ait volé. Pourquoi il faut? Parce qu'une autre explication est impensable. Lefborg est venu ici ce matin, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été seul avec lui? Pendant quelques instants. Vous n'avez pas quitté la pièce pendant qu'il était là? Non. Réfléchissez bien. En êtes-vous tout à fait sûr? Je suis peut-être allé dans le hall quelques secondes. Où se trouvait votre étui à pistolet à ce moment-là? Il était dans... Allons. Edda? Là-bas, sur le bureau. Et depuis? Avez-vous eu l'occasion de vérifier si les deux armes se trouvaient dans l'étui? Non. Ne vérifiez pas. J'ai vu le pistolet que Lefborg avait dans sa poche. Je l'ai reconnu aussitôt. C'est celui qui était hier dans votre main. Vous l'avez apporté? Non, c'est la police qui l'a. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Chercher le propriétaire. Vous pensez qu'elle réussira? Aussi longtemps que je me tairai, elle ne trouvera rien. Et si vous ne vous taisez pas? Vous pourrez toujours dire qu'il l'a volé. J'aimerais mieux mourir. C'est ce qu'on dit. Et si le pistolet n'a pas été volé et qu'on retrouve le propriétaire, que se passera-t-il ensuite? Ce sera un scandale. Un scandale? Oui. La chose au monde qui vous effraie le plus. Vous comparaîtrez en justice, en même temps que Mademoiselle Diane. Elle a des explications à fournir. Un accident ou un meurtre? A-t-il sorti le pistolet de sa poche pour la menacer? Dans ce cas, le coup a pu partir accidentellement. Ou est-ce la femme qui lui a arraché l'arme des mains et qui a tiré? Dans ce cas, elle a remis le pistolet dans la poche de Lefborg. Elle est très capable d'avoir fait ça. C'est une femme pleine de ressources. Cette histoire sordide ne me concerne pas. En apparence. Mais vous devrez pourtant répondre à une question. Pourquoi avez-vous donné ce pistolet à Lefborg? Je n'avais pas pensé à ça. Vous ne courez aucun danger tant que je me tairai. Je suis désormais entre vos mains. Vous êtes mon maître. Très chère Edda, croyez bien que je n'abuserai pas de la situation. Pourtant, je suis en votre pouvoir. Je vais dépendre de votre volonté, de vos caprices, de vos désirs. Ah non, je ne le supporterai pas. Jamais. Tôt ou tard, on se résigne à l'inévitable. Certains se résignent. Alors, Georges, tu crois pouvoir y arriver? Mon Dieu seul le sait. En tout cas, il y en a pour des mois. Tu vois ça, hein? Tu ne trouves pas que c'est étrange, Théa? Tu travailles aujourd'hui avec Tessman comme naguère avec Lovborg. Si seulement je pouvais aider aussi ton mari. Sois tranquille, tu réussiras avec le temps. Ouais, elle m'est déjà très précieuse, tu sais. Je ne peux vraiment rien faire pour vous deux? Oh non, absolument rien. Il faudra, mon cher Braque, que vous teniez souvent compagnie à Ada pour qu'elle ne s'ennuie pas trop. J'accepte. Avec le plus grand plaisir, croyez-le. Merci. Mais ce soir, je suis fatiguée. Je vais me reposer un moment. Oui, c'est ça, chérie. Repose-toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ada! Ada, chérie, je t'en prie, ne joue pas ça ce soir. Pense à Tantrina et à Hilert aussi. Et à Tante Julie et à vous tous. Désormais, vous ne m'entendrez plus. Cela va l'ennuyer de nous voir travailler ici. Je crois que j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas vous installer chez Tante Julie? J'irai vous voir tous les soirs et nous serons tranquilles. Hein? J'ai entendu ce que vous disiez, Tessman. Mais moi, qu'est-ce que je ferais de mes soirées? Braque viendra te tenir compagnie. Si vous voulez. Tous les soirs, Madame Tessman. Et nous nous amuserons beaucoup, vous et moi. Compris, conseiller Braque. Un seul coq dans la maison. Oh, la voilà qui se remet à jouer avec ses maudits pistolets. Ada! Elle s'est tuée. Une balle dans la tempe. Mais, Dieu Tout-Puissant, ces choses-là ne se font pas. France Culture et la Comédie Française viennent de vous faire entendre Ada Gabler de Henrik Ibsen, adaptation française de Gilbert Sigaud. Les interprètes étaient Claude Winter, Julie Tessman, Geneviève Casil, Ada, Simon Hen, Hélert Löfberg, Bérangère Dautin, Berthe, Alain Pralon, le conseiller Braque, Dominique Rosan, Georges Tessman, Dominique Constanza, Madame Elfsted. Chef opérateur du son, Raymond Anna. Collaboration technique, Françoise Andrieux. Bruitage, Louis Amiel. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Georges Gravier.